Quelqu'un veut peut-être sortir. Bravo les super-héros, vous êtes bien tous les mêmes. Les super-héros d'Indestar, c'est les Peck Avengers. Jusqu'à très tard ce soir. Jusqu'à très tard ce soir et même au-delà. Choukla. Merci Emel. Donc, on a Emel qu'on a entendu à l'instant avec nous sur Indestar. Yes, ça. Mais t'es pas venu tout seul non plus. Non, je suis venu avec mes gars. TRGI. Ouais, Trek. Ouais. Et Jiskra qui est là c'est aussi. C'est ça, ouais. Et donc ce soir, on va un peu discuter, on va un peu mieux connaître, on va tout voir quoi. Ouais, on va parler de tout on va parler de rap si je ouais. me trompe eh ben, pas. On va parler si cuisine, bien hein. qu'on en parle alors, parlons-en. C'est le sujet, pas de soucis. C'est pas la danse classique hein, qu'on va parler, on est là. Eh, on s'adapte à tout. Hein. On peut parler de danse classique. Le rap classique éventuellement, le rap danse classique. On peut rapper plein de choses dans la cuisine. Ouais, aussi. Ça, on voit tout. C'est vrai qu'on peut faire ça, oui, Thierry. On peut tout faire. Donc ce soir, effectivement, on va parler de rap, on va parler de quoi d'autre ? De bois. De bois. Bien sûr qu'on va parler de bois. Merci de Thierry, on va parler de bois. Ou de boire, mais enfin, bon, ça, c'est autre chose. C'est selon. On peut parler des deux. Oui. Bah, pour présenter, on va peut-être parler de ML, dans ce cas. Ouais, ML au plat à la prod. Vu que c'est notre invité principal, quand même. Oui, oui. Il est avec les copains, mais bon. Et qu'on a eu la chance d'aller voir chez lui. Oui, c'est vrai, ça. Ah, oui, oui. Au studio. Non, parce qu'il est chez lui, hein, il n'est pas dans la rue, hein, quand même. Non, c'est mieux quand même. Mais son chez lui ressemble étrangement à notre studio. Ah, il y a des choses. Il y a des similitudes. T'as un studio chez toi ? Il y a des fils partout. Ah ouais. Il y a des filles partout. Il ouais. y a des filles partout. C'est des posters évidemment. Ah, tu vois, ils sont... ouais. Il faut faire gaffe vu que Thierry c'est. Tu vas dire un truc, il va comprendre l'inverse. Ah, ouais. Faut bien régler son micro. Non, moi je te comprends pas tout simplement. Oui, non, mais ça t'es pas le seul à mon avis. Non, mais entre Thierry qui va comprendre l'inverse et puis Teddy qui comprend de travers. Ou rien. Je vois pas de quoi tu parles. Mais moins par moins ça fait plus normalement. Ouais, mais le problème. Il y a un demi-mois là, donc. Ou c'est un double mois. Non, c'est quand tu vas voir ton banquier, moins par mois, ça fait encore moins. Ouais. C'est vrai qu'ils savent pas compter les banquiers. Carré. Ouais, c'est vrai, ils ont pas dû apprendre les maths comme nous, ceux-là. Hein. Mais t'as beau leur expliquer par A plus B. Hein. Non, ça marche pas. Ouais. Il se transforme en videur, le banquier. Oui. Il vide ton compte et il te fout dehors. Pour mieux connaître ML, je crois que vous avez préparé une bio. Oui. ML Homeplay. Bah ouais, la. Homeplay, ouais. Ça t'a tué. T'as entendu ML, il me plaît quand même. Hein. Ouh là là. Ah oui. Le pire, c'est que quand il dit ça, il me fait penser à MLP, tu vois, My Little Pony. Là, ça... ah, j'étais obligé de la faire. Ouais, voilà, ça y est, ça sort. Vu que, pour la petite histoire, Teddy nous l'a fait tout à l'heure. Bien sûr, bien sûr. Il avait pas envie de la faire. Oui. Tu connais My Little Pony ? Non, je connais pas. Non, ils ont pas été présentés. C'est la question qui tue ça. C'est moi tranquille. Première question, pourquoi ML ? Pourquoi ML ? Ah, ça, c'est une histoire de famille. De quoi je m'appelle ? Tu peux pas le dire. Ah bah non, t'es au fait accompli, faut non, le dire. Non, je peux pas le dire, c'est un secret. À la fin de l'émission peut-être. Ah, peut-être. Ça j'aime bien si vous y pensez. Allez, t'inquiète pas, on y tu pensera diras alors. En off par et contre, en fait, on par contre, pas je peux expliquer la suite. Voilà. Ouais, le home c'est parce que c'est le home studio à la maison. Ah, je croyais que c'est parce que t'étais pas SDF. Home sweet home, tu vois. Et le play c'est parce que quand t'appuies sur le bouton play, il y a la musique qui se lance. Ah oui. Ouais, ça a rien à voir avec la PlayStation. Ceci explique cela. On fait jamais la PlayStation. Ah non, t'es Xbox. Non, je suis quoi aucun des deux. Si, on aime les moi, je suis Pro Tool, moi. Ouais, voilà. Il y a des balles. Ouais. Vas-y, Trek, tu joues sur quoi ? Moi, Fortnite, FIFA, Rocket League. FIFA aussi. Ah ouais, ça c'est bien. Mais je joue beaucoup sur téléphone aussi, de base. D'accord. Je pense qu'on passe notre plus clair du temps sur le téléphone déjà. Évidemment. Voilà, c'est peut-être la raison. Non, moi c'est l'inverse, moi c'est plus sur console donc. Ouais, c'est vrai, je suis team console aussi. Mais bon, je joue aussi sur mon téléphone, je joue à Pokémon. Non, mais Go, tu sais que j'ai. Ah ouais, non, représente. D'ailleurs, si vous avez des questions ce soir, vous pouvez très bien nous appeler au numéro que je ne connais plus. Mais tu sais que tu tournes ta tête à droite, tu as le numéro donc 09 70 407 306. Je voulais que tu le fasses, c'est ton job. Il ne vote pas à droite. Laisse-moi faire alors. Appel surtaxé. 33 euros. On va encore avoir une augmentation. 33 centimes d'euros par minute. Dans ta région. Une. Pour commencer, comme je disais tout à l'heure, Daniel et Kevin, vous avez préparé. Ah non, juste. Si, les deux. Ouais, tous les 37-4. Ouais. Une bio de ML. Qu'on présente croisé. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas une bio normale. Ah bah c'est une bio Indestar, forcément. C'est ça. Tu vas être habillé pour l'hiver, toi. ML sur Indestar. Ouais, mais ML décalé, tu vois. Ouais. Du style, ils vont t'expliquer qui tu es, mais okay. Ah, bizarrement. Tu vois. Ouais, ça peut être un peu bizarre. Non, mais en fait, la bio commence tout à fait ce qu'il y a de plus normal. C'est L'histoire de notre rappeur commence le 1er décembre 1992 à Cour-Couronne. Ah, oh, c'est vieux. Ouais. Ah, oh, c'est vieux. 30 piges. Hein. 1er décembre. Ah, oh, c'est loin. Comme alors... ma mère. Elle est née le 1er décembre. Qu'est-ce que ça fait? Je ne sais pas Cour-Couronne. Je connaissais Cour-Forest, mais Cour-Couronne. Non, Cour-Couronne. Ouais, forcément, toi, tu connais. 80. Ouais. Alors, à l'époque, il venait de naître, il n'était pas encore rappeur. Quoique, ouais. T'étais rappeur déjà ou pas? Ouais. Non, j'étais pas rappeur. Mais c'est venu après. Ouais. Ouais. Alors pour une entrée en matière quand même, te mettre dans le bain, on va te proposer on va un faire jeu. Un petit jeu, ouais. Ouais. Tu expliques le jeu, Kevin ? Ouais, donc on va te donner plusieurs choses et il va falloir deviner si ça s'est produit un 1er décembre ou en 92. En 1992. Oh là là, ouais. Mais je me rappelle de rien en 1992. Bah t'inquiète pas, tu vas bah, t'inquiète pas. Il y a des trucs qui vont être tout à fait logiques, faciles à trouver, mais d'autres c'est même pas cela. Si il se plante, il va faire une jolade. Ouais, je vais commencer par quelque chose de très simple. Allez, vas-y. Ça s'est passé un 1er décembre ou en 1992. Vas-y, je t'écoute. C'est tellement simple que tu l'as trouvé. Okay. La naissance de Woody Allen. Comment ça, c'est aussi simple? La naissance de qui? Mais je sais pas c'est qui. de ouf. Je vais dire 1er décembre. Bah oui, parce qu'il peut pas être né en 92. Exactement. Bah non, il est tellement vieux qu'il peut pas. Voilà. Bah, c'est donc, compliqué. Par déduction, voilà. Il est né en 1935, alors là quand même. Hein. Et okay. Du coup, d'accord. Pour ceux qui connaissent pas, c'est qui Woody Allen? Woody Allen, c'est un, on va dire, un homme de cinéma américain, très connu. J'avais déjà entendu parler. Alors, moi, non, mais le nom perso, dit quelque chose. Perso, je suis pas du tout amateur de ce qu'il fait, mais ça c'est. Il a fait quoi? Il est né le même jour que moi, c'est déjà pas mal. Ah oui, ouais, mais quel genre de. Si t'avais des idées. Ah non, des films qui me plaisent pas, donc je vais pas en parler. Non, je leur fais même pas de com. Comme ça, c'est fait. Soit. À ton avis, Neymar, c'est un 1er décembre ou en 92? De quoi c'est? Il est né ou. Il est né en quel 1er décembre ou en 1992? Pour moi, il est né en 92. C'est ça. Ouais. Le 5 février. T'as le même âge que Neymar. J'ai le même âge que Neymar. Ouais. C'est pas de bol. Pas le même salaire. Ah. Donc salaire. Pas le même salaire, mon patron. Tu m'écoutes ou pas? C'est à cause de ça que c'est pas de bol. Et donc, pour le peu de personnes qui ne connaissent pas, c'est un footballeur international brésilien. Connu pour ses simulations, notamment. Oui. Par exemple. Ah, moi, je sais pas, je regarde pas le foot. Est-ce que tu connais Romeo Elvis? Ouais, c'est un rappeur. Ouais. Ouais. Alors, il est né en 92 ou un 1er décembre? Un 1er décembre. Perdu. Ah merde. Par contre, t'étais quand même pas loin. C'est en 92, mais un 13 décembre. Alors, on connaît pas le rap. Pardonnez. Ça y est. Ça, c'est la concu, ça. C'est le frère d'Angèle, en plus. Elle est loin, la concu. Elle est loin. Donc, de là à connaître l'âge et tout. Ouais. Ah bah là, c'est compliqué. C'est Pablo Escobar, à ton avis, il est né un 1er décembre ou en 92? Ah, c'est facile. Il est né un 1er décembre. Ah, oui. C'est ça. Ah bah ouais. Parce qu'il est mort en 93. C'est ça. Le 2 décembre. En plus. Alors moi, je m'étais réservé une question parce que je la trouve vraiment sympa. Le premier numéro du magazine Playboy, magazine érotique bien connu. Apparemment, c'était t'étais dedans. C'était quand? Un 1er décembre ou en 1992? Il l'a pas entendu. Un 1er décembre. Bah oui, parce que c'est tellement parce vieux que ça. C'est le premier. Voilà, c'est... Il faisait le poster central. 153. Dis-moi, qu'est-ce que tu racontes là-bas? Alors, pour le... J'ai des trucs. Pour la petite histoire, c'était Marilyn Monroe qui était en couverture du premier numéro. Hein. Voilà. Wow, quand même. Hein. Voilà. Je regrette de pas avoir. de pas être né un 1er décembre. De pas être abonné, oui. Tout simplement. Chou clair. Donc, après, on va aller faire un tour dans le monde du catch. Oh, Paige. Paige, elle est née un 1er décembre ou en 92? Paige. C'est une catcheuse. Une britannique. Alors là, je connais pas, j'y vais au pif. Elle est née un 1er décembre. Perdu. Voilà. Elle est née en 92. Ouais, je le savais. Mais elle a des bras plus gros que moi, à mon avis. Oh, pas que des bras. Hein. Oh, pas que les bras. Surtout autre chose que les bras. Hein. Merci, Daniel. Tant qu'à faire. On sait ce qu'il regarde, Daniel. Le monde de la boxe. Okay. La boxe, tu connais? Pas du tout. Ah, d'un trait. Eh ben, je vais pas être sympa, je vais te poser la question. Allez. Tony Yoka, il est né en 92 ou un 1er décembre? Un 1er décembre. Perdu, le 28 avril 92. Allez, chouclé, mais tout le monde est né en 92 en fait. Mais t'as beaucoup de monde, ouais. Le monde est petit. Oh putain. Y a-t-il une autre question? Je regarde un peu en fait, c'est pour ça. Bah, attends, je vais en poser une alors. Une autre. Vas-y, si t'as. Une tu petite connais dernière le groupe de rappeurs sud-coréen EXO? Bien sûr, c'est mes meilleurs potes. Wow. Peut-être c'est GIS, mais il a pas voulu c'est nous le dire. C'est moi. Bah alors si c'est lui, on va lui poser. Pourquoi la question. Tu es sud-coréen? Ouais. Ouais. Ah ouais. Alors Shen, un des rappeurs du groupe EXO. Il est né en 92 ou un 1er décembre ? Un 1er décembre. Facile, 92. 92. Alors, pour la petite histoire, ils sont trois du groupe à être nés en 92. Shen est né le 21 septembre. Il y a Park Chang-yeol le 27 novembre. Et Bin Baek Yud. Vous m'excuserez pour la prononciation. Du massacre de prénoms. Si, j'adore la musique en plus. Peut-être moins la prononciation de Daniel. D'ailleurs, je tiens à préciser, pour la petite battle là, que vous venez de faire, 92 1er décembre, attendez la fin de l'émission. Il y a un quiz si vous voulez vous affronter. Comme à chaque fin d'émission. C'est une bonne chose. On sait rien, Kevin. Oui, tiens, pour le dernier, c'est tiens. Toi, moi. Vald, à ton avis, ouais. Né un 1er décembre ou en 92? Alors. Je pense qu'il est né en 92. Ouais. C'est ça. Ouais. Et moi, j'ai une question par rapport à lui. Vous pensez que quand il a écrit son pseudo de rappeur, il a fait une faute et qu'il voulait écrire Vlad ? Ou c'est que c'est vraiment Vald, le L, le A, il les a pas vraiment inversés ? Il doit y avoir quelque chose, comme le ML, pareil. Tu vois mais ML, tu vois, si t'inverses les deux, ça fait LM, tu vois. Ça... Ouais, mais ça veut rien dire du coup. Oui. Bah mais c'est Vald, si tu les enfin si t'inverses le A et le L, ça fait Vlad, tu vois. Bah vrai nous, on sait qu'il s'appelle Valentin. Il s'appelle Valentin. Donc s'appelle après, Valentin. Après, ah, le reste, ouais, c'est peut-être pour ça. Ouais. Ah, je sais pas, moi j'ai envie de l'appeler peut-être Vlad. Peut-être de son nom de famille, peut-être. Ouais, peut-être. Ouais, peut-être, peut-être hein, ouais. Bah, tu vois, toi, tu l'as créé comment ton pseudo, si t'as envie de le révéler. Moi, avant que ce soit Jiskra, c'était Magiskra. C'était vachement plus long. Ça fait Magiskra. Non. Ça fait presque ça. Mais c'est pour ça que c'était. Vocation ratée, peut-être. Peut-être. Ouais, carrément. Pour être en tête, j'ai raccourci mes études. Retrouver GIS au tribunal. Pour la petite histoire, c'était vraiment un copain qui m'a trouvé ce nom-là, mais avec plein d'autres trucs qu'il avait magouillé. Alors il m'a dit, je t'ai trouvé ce surnom-là, donc j'ai gardé ça et après je l'ai raccourci. D'accord. D'accord. Et toi, Trek, ça vient pas de Star Trek ? Non, on me l'a déjà fait 10 fois aussi. Bah ouais, évidemment. Forcément. Non, logique. Non, moi, en vrai, c'est une histoire un peu plus conne. C'est plus quand j'étais plus jeune, j'ai eu mon premier scoot. En gros, il s'appelait le Trekker, le Peugeot Trekker. Et en gros, ça m'a tellement matrixé ce scooter dans ma vie. Terry Dat, j'ai préféré ma Trek. Enfin, je sais pas. Attends, heureusement que t'avais pas une Vespa ou. Non, ouais, non. Ouais. Ça aurait fait Vespa. Tu te rappelles Vespa ? T'imagines un peu. La guêpe. Spirit. Non, mais il faut espérer par contre que Trek, on y raccourcisse pas son nom parce qu'il va plus rien rester. Ouais, ouais, moi, je l'ai déjà raccourci, moi. T'imagines, ta première bagnole, c'est une Super 5. Tu t'appelles Super 5. Pourquoi pas ? Ouais, alors, Mel, t'as commencé à rapper au lycée, tu nous as expliqué. Ouais. Et pas de chance, t'avais un ordinateur pas sympa, il tombe en panne. Ouais, plus d'ordi c'est... après. Enfin, ouais, si j'avais un ordi, mais après, pendant longtemps, j'ai laissé tomber, du coup, plus d'ordi. Ouais, alors, à 20 ans, tu recommences à rapper parce que t'achètes un ordi, un autre ordi. J'ai cru qu'il y avait un rap à fromage. Alors, voilà, mais c'est un outil indispensable au rappeur, l'ordinateur ou... Bah, c'est soit t'as un ordinateur, soit t'as de l'argent pour te payer des sons en studio. Ouais, exactement. Donc, voilà, au moins, on a. C'est on soit a l'un, soit l'autre. Mais donc. Tu arrives à Amboise à l'âge de 19 ans. Je suis à Amboise, ouais. Mais c'est quoi qui t'a amené dans la région ? L'amour, le travail, le château d'Amboise ? C'est mes parents. D'accord. Avant tout, ouais, ouais. Mon père, il a dû travailler ici. On pourrait presque dire l'amour. Ouais, l'amour, c'est ça. C'est l'amour de ses parents. C'est ça, ouais. C'est l'amour de ses parents. Bah ouais, voilà. Tu vois, ils ont pas voulu. J'ai surtout pas eu le choix. Ils ont pas voulu l'abandonner, donc ils l'ont emmené, tu vois. C'est normal. Ils ont essayé de le laisser dans la forêt d'Amboise, mais il est revenu. C'est revenu. Ouais. Le petit pousset, mon gars. Ouais. ML on play. Alors, ce qui est dommage, tu vois, c'est que là, tu nous as attrapé parce que t'as répondu trop tôt. Ah, pardon. Ouais, parce que en dernière proposition, il y avait les merveilleux breuvages de Touraine qui sont bien connus. Ah, ouais. Les merveilleux breuvages de Touraine. Le vin. Ouais, le vin. Ça, ouais. Que ça, de toute façon. Et justement, la question suivante, c'était. Bon, tu nous as vraiment expliqué que tu avais fait des trous dans ton garage, mais on s'est demandé, c'est pour faire une cave ? J'ai une petite cave. Ah, mais les trous, c'était pour ça ? Non. Ah, non. C'était pour fabriquer un studio. Ah, vraiment, le studio, on voit que c'est des la trous vie, dans un garage. Là. Ah ouais. Des trous de mèches de forêt oui, là ouais. De ça oui. Ouais, on a accroché des bouts de bois partout et tout. Un studio en bois. La vidéo normale parce que dans la vie tu es menuisier sur les réseaux. Et justement, c'est génial vu que ton métier donc comme tu viens de dire, t'es menuisier. C'est toujours. Oui, toujours oui. Et donc t'as un lien particulier avec Indestar résultat avec ça. Est-ce que tu peux nous parler de ce lien? Qui est déjà, il est physique. Mine de rien, une vieille histoire. Il est là, oui, il est juste à côté de moi. C'est un lien physique, t'as raison. Ouais, mais bon, il faut est un peu... là, je le touche. Ouais, mais faut un peu que t'expliques quand même. Oui, parce qu'il ne voit pas. On ne voit pas, non. Ah ouais, c'est vrai. Bah, en fait, on a fabriqué tous les bureaux ici. Les bureaux ? Ouais, les bureaux, les trucs avec pour passer les câbles et tout. Faut demander au patron là. Jusqu'à ouais, je sais pas quelle heure on est resté ici pour passer tous les câblages là. Alors, on voit que passer les câbles, c'est pas sa passion. Oh, quelle galère, quelle galère. Mais oui, effectivement, fut une époque où tu travaillais dans une entreprise, on a le droit de dire le nom évidemment. Ouais, de chez l'entreprise Partner. Tu travaillais là-bas et tu as fabriqué un meuble en bois. En bois. Pour le studio de radio, hein, pour Indestar. Ici. Et gratuitement en plus. Ah, c'est ça, bon. Fallait pas voir ça avec moi, c'est le patron. Ah, okay, okay. Moi, je m'occupe pas. Lui, il voulait aligner, tu vois. Ah, c'est ça. Ah, moi, je suis pas là-dedans. Privé, hein. Moi, je t'aurais le aligné, salaire de la peur. Mais du coup, oui, tu l'as quand même fabriqué, tu vois. Ouais. Et c'est cool. Ouais, c'est cool. T'as aimé travailler là-dessus ? Ouais, de ouf. Bon, bah, j'imagine que tu dois pas l'avoir. Non, mais déjà, à la base, déjà, on m'a dit, ouais, faut fabriquer un studio et tout. J'ai dit, c'est moi, je m'en occupe. Ah oui, c'est d'accord. C'est moi qui. Parce que tu as un rapport particulier à la musique, donc tu t'es dit. Bah ouais. Et du coup, bah, c'est moi qui a fabriqué ça, quoi. C'est pour ça que c'est de la merde. Regarde, j'ai un pied en plein milieu. Pourquoi j'ai un pied en plein milieu ici ? Oui, c'est la première chose qu'il a dit. On l'a installé autour, vous le verrez tout à l'heure quand on fera le live. Et effectivement, c'est vrai qu'il est pile sur un pied. C'est pas moi qui ai fait les plans. C'est pas moi qui ai fait les plans. Et moi, fallait mettre le pied ailleurs quand même. Bah là, le pied, fallait le mettre ailleurs. Je peux te le foutre au cul, d'ailleurs. C'est pour la vidéo, bonjour à tous. Bonjour. Salut, c'est lui qui a fait le plan, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Ah bah voilà. Non mais pour l'anecdote, Thomas, c'est vrai qu'il est resté le soir. On avait l'inauguration du studio le lendemain en grande pompe avec tout le monde qui venait et tout. Et le meuble a été prêt vraiment la veille au soir. Et il est venu avec Younes, hein, à l'époque. Ils sont venus tous les Dédicace. Deux. On a installé le studio jusqu'à un peu tard dans la nuit pour que ça soit prêt pour le lendemain. Donc merci. Et à la lui, scie sauteuse. Et vas-y que je te passe des câbles XLR dans tous les sens. Bah forcément, oui, il y avait quelques détails à régler. Peaufiner, notamment des trous à passer, oui, à faire. Non, c'était marrant. C'était un bon truc. C'était marrant, ouais. T'en as pas fait d'autres, j'imagine, dans ta carrière. Studio. Ouais. Bah si, j'ai fait le mien. Oui, mais. Ouais, mais en dehors. Merci. Pas encore. D'accord. Ouais. Pas encore. Ouais. Ouais, c'est un projet quand même assez unique. En vrai, c'est vrai qu'on fait pas des studios de radio tous les jours. Donc, ouais, c'est vrai. Bah après, il y en a qui doivent faire que ça. Hein. Il doit y avoir des boîtes de menuiserie qui fabriquent des meubles de studio tous les jours, hein, tu vois. Ah, peut-être. Ouais, ça peut, ah, ouais. Peut-être. Ou des panneaux acoustiques ou des trucs comme ça. J'ai une question qui me vient comme ça à l'esprit. Est-ce que t'as eu d'autres projets comme ça un peu insolites ou que tu l'as fait une fois dans ta vie, dans la menuiserie, je parle. En menuiserie ? Ouais. Parce qu'on va s'y intéresser à menuiserie. Ouais. J'ai fabriqué plein de choses, moi, mon gars. Ouais, est-ce que t'as fait des corbillards ? Non, pas encore. Mais peut-être je vais faire le tien si tu me tacles. Hein. Bah, tu vas avoir du boulot. Hein, ouais. Techniquement, le corbillard, c'est une voiture. Hein, mais bon. Les voitures, on retrouvera ça le lundi dans l'émission Starter de 21h à 22h. C'est bien, ça, c'est la petite promo des familles. Ouais, c'est bien, maintenant, t'as appris. Vu qu'au début. D'ailleurs, en parlant d'heure, t'aurais pas quelque chose à faire ? Oh, si. Ah, ça musique, passe vite. C'est ça ? Ouais, je l'ai mis, vous êtes là. Pas. Big up 37.4, baby. Pamplemousse, Kiss Me, Sixpence. Sixpence ? Oui. On dirait un code là. T'as dit quoi ? Pamplemousse ? Oui. Non. Vas-y, t'as dit. Non, moi je le dis pas. Non, c'est mort. J'étais sûr que t'allais avoir une blague. Pamplemousse. Non. C'est ça. Ouais, et c'est où, t'as dit ? Bah c'est sur Indestar, évidemment. C'est ça. Peck Avenger, l'émission du geek. L'émission du geek sur Indestar. Choucle. C'est sûr que ça, Peck Avenger, l'émission du geek. Tout le monde joue un peu en plus, donc ça passe bien. Je sais pas, non, Emel il joue pas trop. Non, Emel, non. Tu joues vraiment rien ? Moi, la dernière console que j'ai eue, c'était la GameCube. Oh, ah ouais, ça date. C'est un dinosaure, toi. Tony Hawk, les gars. Ouais, mais sacrée console, la GameCube. Tu joues à quoi sur GameCube ? Tony Hawk. Ok, frère. Déjà, tu vois le gars qui a pratiqué le skate déjà quand il dit ça. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. En fait, j'ai joué à Tony Hawk parce que je faisais du skate. D'accord. Voilà, c'est tout. C'est comme cool. Quoi, hein, c'est chacun un jeu de sport. Par exemple, bon, moi je jouais à FIFA parce que je faisais du foot. Bon, pour Trek et Giscrash, je sais pas pour vous si c'était pareil, mais. Non, je fais pas de foot, mais FIFA toujours. Sur la GameCube. Non, pas sur la GameCube, non. T'es pas né, lui, wesh. Je te raconte. Il est fou, lui. Donc, après là, est-ce que Emel, tu connais les interviews un peu décalées ? J'ai cru comprendre. D'accord. Mais je suis pas sûr. Tu vois comme un meuble un peu mal fait, il y a des trucs qui comme bougent. Là, ouais, c'est comme ça. Ton bureau là. Voilà. Avec les pieds au milieu qui font chier comme tout le bureau d'Indestar. Voilà. Okay. C'est ça. Alors c'est parti. Alors, on a le plus grand spécialiste des interviews décalées avec nous, Thierry. Non, il est pas là encore. Non, il est occupé là. C'est... Il est en décalage. Je suis en train, tu vois, de recaler une photo décalée de ML. D'accord. Il y a pas que les parce que pendant l'émission, je prends aussi des photos. Oui, c'est photographe, intervieweur, il nous fait tout, Thierry. C'est... Ouais, alors moi, je voulais jouer au con en fait. D'accord. Je voulais faire celui qui avait rien compris de quand tu nous as reçu chez toi, on t'a interviewé, et je vais faire celui qui a absolument rien compris. D'accord. Et en fait. Mais en fait, c'est qu'il a réellement. J'ai l'impression que t'as fait de la tôle, que je sais pas, vous êtes fait serrer à un moment, quoi. Vous êtes fait serrer lors d'une ronde qui a mal tourné et vous avez franchi un tremplin et j'ai pas compris, tu peux expliquer là? Coup de couteau direct. C'est quoi cette histoire de se faire serrer? Serrer quoi là? Serrer la ronde. On a fait un petit concert là-bas, un petit tremplin musical et C'est un patelin, serrer la ronde. Ah c'est un patelin. Il y a des chèvres. C'est pas genre serrer la ronde, genre une meuf, tu vois. C'est une petite ville. Tu sers pas vraiment la ronde. Ouais, tu sers pas. Un petit village même. Tu sers pas vraiment la ronde, tu vois. Ah ouais, dommage. Ouais. Ah, il y a des champs et des chèvres, et puis il y a des gens sympas qui aiment bien faire la fête. Voilà. D'accord. Et là-bas, ils aiment bien faire la fête. C'est bien, tu vois. C'est un bon petit collectif aussi. Et du coup, on est parti faire un concert là-bas avec GIS qui est ici présent. Et c'était un petit tremplin musical. Et on a pris la deuxième place. Et du coup, on est arrivé comme des intrus. On est arrivé comme des intrus parce qu'il y avait que du rock and roll et tout. Que du rock. Nous, on est arrivé avec notre rap. Et on voulait même pas attendre la fin. On voulait même pas attendre les résultats, quoi. Ah. Je crois qu'on a quelqu'un. Je crois. Allô. Allô, allô. C'est ceux qui font la ronde. Allô. Allô, allô. Vous m'entendez? Allô, oui. C'est Willy de l'association Serré Attitude. Ah, bonsoir Willy. Bonsoir. Bonsoir. Donc oui, tu appelles Indestar parce que tu as peut-être quelque chose à dire à nos amis rappeurs. Oui, tout à fait, parce que nos amis rappeurs, ce sont eux qui ont gagné le tremplin, qui sont sortis deuxième du tremplin musical. Ça tombe bien, on en parlait. Qu'on avait organisé. Mais ils sont sortis avec les menottes ou quoi? Non. Mais moi, j'ai rien pané là. Ils sont arrivés libres et ils sont repartis libres. C'est entre temps qu'ils ont eu les menottes, c'est ça? Ah, on est reparti avec un contrat. Garde-up. Willy, on est reparti avec un contrat. Oui, voilà. Ah exactement. Bah avec un contrat, on a tout compris. Avec hein. un contrat. Et en fait, le contrat, c'est qu'ils vont jouer à la fête de la musique. Ils sont le groupe phare de notre fête de la musique qui est prévue le 18 juin. Ah, vous allez faire de la lumière, vous êtes le groupe phare. Ils ont tué le game, même les premiers n'ont pas ce privilège de... Exactement. Oui, alors... Les premiers, on les reverra pas. Prix. En fait, sur le tremplin, il y avait deux prix parce qu'on organise deux grosses fêtes sur la commune. Ouais. Alors, le festival de la bière qui va se faire... Ça, c'est bien. J'aime bien ce festival. Ouais. Ah, mais pourquoi je suis pas invité à celui-là, moi? Grosse fête. t'as perdu celui-là. Hein, ah ouais, voilà. Oui. Donc le premier groupe gagnait donc une prestation, un contrat pour le festival de la bière qui se fait le 24 mai. Ouais. Et le deuxième groupe gagnait un contrat pour la fête de la musique le 18 juin. Voilà. D'accord. Ouais, c'est pas mal. Très lourd. L'anecdote, c'est qu'ils étaient arrivés sans penser qu'ils seraient sortis deuxième. Ouais. Donc, quand ils ont eu le résultat, la grosse surprise, et surprise supplémentaire, ils devaient rejouer pendant 30 minutes parce que le premier groupe qui avait gagné avait un autre concert. Donc, ils étaient partis. Ah oui, ils sont partis. Voilà, et ils ont dû rejouer, trouver rapidement des titres à nous présenter pour une prestation de 30 minutes. Et ils ont été très très pros et ils nous ont trouvé des titres. Un pro, génial. Un pro ou pas un pro, les gars? Ah, un pro. Un pro? Quasiment un pro, total. Quasiment un pro. Et même, ils ont même fait un buff avec un des artistes de hard rock. C'est quoi un buff? C'était assez particulier, du rap et du hard rock. On a fait venir le guitariste d'un groupe de punk sur la scène. Ah ouais, vous avez fait un... Qui avait joué avant. Un featuring. Ah oui, avec les punks, nous, direct. Tout en impro, ouais. Ah d'accord. Franchement, ouais, c'était bien. Eh ben, Willy, je te remercie de cette précision. Willy, si tu veux, vite fait... T'as encore quelque chose à dire, Willy? Vite fait, ouais, si tu veux présenter ta petite asso, là, histoire de faire une petite page de pub. Oui, l'association, c'est Serré Attitude. Ça existe depuis bientôt 2 ans. Donc, notre objectif, c'est un peu de faire de faire beaucoup de culture au sein de la commune, de fêtes, de manifestations culturelles. Et donc, on a deux gros événements qui sont le Festival de la bière et la fête de la musique. Mais également, au mois de septembre, on a une grosse fête qui est la fête de fin d'été. Où, alors, chaque fois, ça change de thème. La première année, c'était sous les Antilles. Mmh. Je sens que ça picole à serrer la ronde. C'est vrai que oui. Ça picole sec, ça picole sec. Ça s'ennuie pas dans les petits villages. Hein. Ouais, après, ça a été le tremplin où a participé ML. Yes, ouais. Et puis, cette année, pour la fête de fin d'année, ce sera une course de caisse à savon. Oh, ouais, d'accord. C'est cool. Ah, on avait dit qu'on y allait en plus à ça. Ouais, c'est sympa. Ah, va falloir la fabriquer celle-là. Oui, le menuisier. Donc, voilà. Donc on essaye de varier, de proposer, et on essaye de rester avec des artistes, bien sûr toujours accompagnés de musique parce que c'est un peu important. Le fil conducteur de l'assaut, et on essaye de faire travailler tous les groupes les plus proches de nous, hein, les groupes locaux. Des groupes locaux. Ouais. Et ben. C'est ça. Oui, coup, est-ce que tu peux situer où se trouve Serrer la Ronde quand même pour nos amis qui nous écoutent? Alors, Serrer la Ronde, c'est... Un peu de chèvre. Alors, vous connaissez Favrol-sur-Cher? Non, c'est pour le... On a écouté un peu partout, donc oui, ça serait bien de... On est mondial, voyons. C'est proche de Montrichard. Ah oui, vous êtes mondial. C'est voilà, est-ce que c'est pour ça, tour de Bois, alors, de Bordeaux, Ronde, de Lyon? C'est dans le département 37, on est à la limite du 41. Du département 41, donc du Loir-et-Cher. Chez les ennemis. Donc, voilà. On a le plus gros stockage de gaz en Europe. Oui, c'est vrai. C'est situé à Serrer-la-Ronde. On a. Comment vous situer pour vous dire. Il faut suivre la ligne de démarcation et puis tôt ou tard on vous trouve. Hein. Serrer-la-Ronde et la Touraine. On est à la limite entre. Le 37 et le 41. En gros, voilà. C'est entre Tours et Blois, mais un peu au sud de la Loire. T'en fais de la géographie dans Peck Avenger. Ouais, c'est nouveau. Tu roules bourré, tu y arrives à un moment. T'écoutes GIH Santé. Voilà, oui. De toutes façons, tous les chemins mènent à Serrer-la-Ronde. Voilà. Donc oui, vous avez des événements à Serrer-la-Ronde sur l'année. Si vous voulez picoler et surtout écouter de la musique quand même. Enfin, surtout picoler aussi. Ouais. C'est clair. Bah, allez, à Serrer-la-Ronde, quoi. On a quand même un brasseur qui, justement, vend à l'international. Donc, oui, je vois bien que vous en êtes. Ouais, bah, c'est pas pour rien qu'il y a une fête de la bière, quand même. Donc, et ma mauvaise blague sur se faire serrer, ça va peut-être finir comme ça, un moment. Bah, peut-être. Ça peut, hein. Ça va. Ouais, consommez avec modération si vous conduisez. Hein, oui. Petit oui, c'est quand même mieux. Bien sûr. Voilà. Mais bon. Et ben, on te remercie. On te remercie. Ouais. Merci beaucoup d'avoir Willy. Appelé Willy. Merci. C'est super. Merci pour le direct. Bon courage, bonne soirée, bonne émission. Ciao. Merci. Salut. Merci. Salut. Choucle. Pourquoi choucle? ça veut dire quoi choucle? C'est la gimmick. Parce que moi, tu sauras si t'écoutes ma musique. J'ai entendu chouclette. Bouclette. C'est une hallucination auditive que ouais, ouais, ce matin, ma tête cassée. Je cuis beaucoup de chouquettes en ce moment, c'est en promo. Oui. C'est forcément le boulanger qui cuit des chouquettes, oui. Okay, ouais. T'aimes les chouquettes? C'est comme sa marque de fabrique, hein, Choucla. Ouais. Toutes ses musiques, il le dit. Voilà, d'accord. C'est comme je suis Amboise. Je suis Amboise. Bah oui, mais ça, c'est représente ça. Ouais. Non, c'est marrant. Bon, dis-moi, t'es menuisier, est-ce que t'as peur de monter sur les planches? Pas du tout. C'est lui qui les monte les planches. Bon ça, non mais ça fait quoi de faire de la scène? Ah je kiffe. Je préfère même faire de la scène que le studio. Même si je kiffe faire de la musique, en vrai la scène c'est trop bien. Mais ici ça va être un petit mix parce qu'en fait on va te filmer quand tu vas faire tes morceaux tout à l'heure. Alors, bah voilà, évidemment, c'est on n'a pas scène, une estrade mais c'est de la scène, la nouvelle scène Covid 22. Ah c'est vrai que c'est une petite reprise. On espère que tout va reprendre, hein, qu'on va être un peu débarrassé de ce Covid parce que il n'y a pas eu grand chose, hein, évidemment. Non, ça va repartir. Donc ça va être peut-être le démarrage de plein de choses. C'est ce qu'on espère puisque nous chez Indestar on dit que c'est là où tout commence. Oui, il paraît. Bon, il paraît que t'as fait la fête à la musique, dis donc. La fête à la musique était chargée. Ah, toi, rappeur, tu t'es pris pour un simple guitariste à péter une corde ou quoi? Vas-y, raconte. Vas-y, GIS, raconte. Non, vas-y. Bah, des fois, j'aime bien faire un peu de guitare, tu vois. Et ça se passe bien, ouais. Ouais, ça va, tu vois. Non, mais tu vois, en vrai, moi, je préfère quoi? Je préfère rapper sur des instrus, tu vois. Ouais. Mais ça m'arrive pour de temps en temps certains textes, de prendre une guitare et de chanter, tu vois. Et c'est ce que j'ai fait lors de ce concert à Charger là. Ouais, mais j'étais chargé un peu, hein, c'est vrai. Mais tranquille, tu vois. Tranquille. Dédicace à Big Z, qui est pas là, qui est en train de nous écouter. Ouais, ouais. D'accord. Et à BOUL aussi. Là. Si t'as des amis qui ont fait des trucs avec toi et qui veulent nous appeler ne serait-ce 2-3 minutes pour papoter, ça serait bien, hein. ils peuvent y aller. Hein. Bah ouais, ouais, n'hésitez pas, c'est quoi le numéro, Kevin? J'ai oublié. Bah, ah, les gars. Pourquoi toujours moi? Ouais, je l'ai mis. Bon bah, 09 70 407 306. Il a pas changé depuis tout à l'heure, ouais. Et Teddy, ce serait bien que tu l'apprennes un peu non, un jour. Non, non, je l'utiliserai appelez pas. Appelez le numéro, les gars. C'est ça. Appelez-le si vous voulez parler avec nous des anecdotes. Ouais, appelez. Si vous voulez balancer des anecdotes sur ML, oui, genre pas, savoir exactement quelle chaussette il a mis ce matin ou j'en sais rien. Voilà. Non, mais pas. Vous avez le droit. C'est permis sur Indestar. Oui. Profitez-en, on a une liberté, on n'a pas de sponsor qui nous fanchait voilà derrière. Donc, partenaire agenciaire. Et c'est la magie du direct, c'est très sympa de papoter tous ensemble, donc allez-y. Oui, ouais. En parlant de liberté, oui, on a la liberté de choisir la musique qu'on va écouter. Oui, yes. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, quand même, ouais, ouais. Bah là, on va passer un inédit là, que j'ai enregistré il y a 2-3 semaines au studio. Ah ouais, il est tout récent. Il est vraiment récent. Ouais, ouais. Il y a des gens qui l'ont écouté Ouais, bah mes gars qui sont là. Bah ouais, ouais. Oui, je parle en termes de diffusion. Personne, il est pas sorti. Je vais faire le clip au début du mois prochain, si tout va bien. Tu vois, avec des petits plans drones au bord de la Loire et tout, machin. Mm-hmm. J'espère que ça va bien se passer. Et puis, bah, je vous laisse découvrir ce petit inédit. T'as pas de titre pour le moment, c'est ça? Ouais, pour l'instant, il n'y a pas de titre. Alors peut-être qu'il va s'appeler Bad Trip. Peut-être. Mais pour d'accord l'instant, c'est l'inédit sans titre. C'est voilà, ça, c'est l'inédit, c'est en mode bad trip. C'est ben le bad trip. On va écouter le bad trip. C'est parti. Bonne écoute, la mail. Écoutez, mettez le son à fond. Et ça, c'est ça pousse les enceintes, là. Il me faut des plans Rolex pour pouvoir m'envoler. Dans la pièce, nique la télé, nique Ardisson, nique Zemmour. Quel monde on va laisser? J'suis dans un bad trip, j'suis dans un bad trip. C'est tous des actrices. Balance les plaquettes, y'a les keufs. Envoie tes rappeurs, on va les fuck. On les a grillés, louper le coche, hein. On les a grillés, louper le coche. Tu veux faire l'ancien, vite sont tes poches, hein. Fais pas le dur, hein, aide ton prochain. Ferme ta bouche, hein, et va bosser. Choucla, choucla, choucla. Il faut des plans Rolex pour pouvoir m'envoler. Le soleil, je sors sous la lune. Il faut des plans Rolex pour pouvoir m'envoler. Pour viser le soleil, je dois zapper mes lacunes. En plein académie, dans la caisse, nique la télé. Nique Ardisson, nique Zemmour. Quel monde on va laisser? Je suis dans un bad trip, je suis dans un bad trip. C'est tous des actrices. Mama G, R, T, R, G, I, Big Z, Bramos, Marquis. Rien que ça fume du paquet. On se pète au fond du parking. Jamais se repose sur la qui. Les sleux sont dans la matrice. C'est quand ça passe à la caisse. Partout y'a que des actrices. L'inspire vient d'Hollande, rien qu'elle est collante. T'as vu l'insolence, maintenant silence. Je te laisse en souplesse, je te laisse en sautant. Je pue demande à tout l'air. J'oublie dans collage, j'oublie dans collage. Parce que ça soulage, faut que je lâche du laisse. Que je prenne le large. Car ils m'ont saoulé, car ils sont trop lâches. Choucla, choucla, choucla. Il faut des plans Rolex pour pouvoir m'envoler. Pour viser le soleil, je sors sous la lune. Il faut des plans Rolex pour pouvoir m'envoler. Pour viser le soleil, je dois zapper mes lacunes. En plein académie, dans la caisse, nique la télé. Nique Ardisson, nique Zemmour. Quel monde on va laisser? J'suis dans un bad trip, j'suis dans un bad trip. C'est tous des actrices. Pour viser le soleil, je dois zapper mes lacunes. Donc sur Indestar, après cet inédit, le petit raté encore. T'as pas du tout entendu la musique. C'est pas la soirée ratée, c'est la soirée rappée. On a tout rappé. Et pour rapper, on est en bonne compagnie en plus. Gang. Oui, parce que ce soir, on a ML. ML en play à la prod, mon vieux. On a Jiskra également. Ouais, donc bad trip, garde le bad trip. Non, mais là, il était en bad trip. Oublie le titre inédit. Ça, c'est le titre qu'on a entendu à l'instant. Il va s'appeler bad trip. Il va peut-être s'appeler bad trip. On vient d'assister au baptême de cette musique. C'est bad trip. Tant qu'ils ne font pas le scénario des Very Bad Trip, j'espère que vous avez bien aimé. Si, à serrer la ronde, vu qu'on boit beaucoup. Si, si. Une fois bien chargé à serrer la ronde, ils nous font le Very Bad Trip. Donc là, on a entendu ML. On a entendu Jiskra et on a Trek aussi avec. Oui. Bah ouais. Et on a même un invité encore qui s'est invité. Est-ce que tu peux lui prêter ton micro, Trek, qu'on l'entende un petit peu? Qui es-tu, jeune invité? Bonsoir, bonsoir. Oh, t'es plus si jeune que ça. Je suis jeune, hein. Ouais, B-O-U-L. Je suis même un pré-retraité, je crois. Avec B-O-U-L dans la Jaguar. B-O-U-L? Ouais, on dit boule, non? Ouais, boule. Exactement, ouais. D'accord. Ah, c'est encore du pain. Et c'est par rapport. Ah, oh putain, tu serais pas boulanger par hasard? Comment? Tu serais pas boulanger? Boulanger? Non, non, non, mais non, plutôt cinéaste de boule. Ah. C'est le gars qui, vous savez, qui a du mal, qui est derrière la caméra et qui se prend tout dans la gueule. C'est ça. Lui, il a le droit de voir, mais pas de consommer. Ah, ils sont sales dans cette émission, oh, moi je m'en vais. Faut pas te tuer. D'accord. Mais du coup, tu fais un peu de rap, boule? Ouais, un petit peu. C'est qui, mais c'est quoi ça? Bah, on fait la cuisine, c'est normal. À l'époque, plus à l'époque. À l'époque, ouais, il y a quelques années. Quand j'étais jeune. J'étais quand même assez actif. Ouais. Là, dernièrement. Parce que maintenant, il faut plus rien. Hein. Ouais, exactement. Ouais. Fais péter le son mais, dans la caisse. On est là pour soutenir et voilà. Et de temps à autre, ça m'arrive de poser sur 2-3 sons, quoi. C'est cool. Alors on a parlé de Chargé, on a entendu qu'il y avait un festival de rock à Chargé et que tu y faisais quoi, de la bouffe, c'est ça? Qui a dit quelque chose tout à l'heure sur festival de rock de Chargé? C'est ouais, c'est Boule qui s'occupe souvent de faire ce qui est préparation. Mais parce que t'es cuistot? Pardon? Non, pas Rockin' Chargé. Ah non, non, non. Non, c'est non, pas Rockin' Chargé, c'est à Chargé. C'est à Chargé, chez Big Z, en fait, ouais. D'accord. On organise des petites soirées privées. Sur des thématiques, par exemple la fête de la musique, et il m'arrive de cuisiner, ouais. Tu cuisines beaucoup? C'est que t'es cuistot, c'est ça ton métier? À la base, en fait, je suis multicasquette aujourd'hui. Oh, il faut être polyvalent, la polyvalence! Mais effectivement, j'ai une formation hôtelière. Donc, ouais. Donc voilà. Donc je sais cuisiner. Ouais, je sais cuisiner. Je sais bien manger. Bien manger. Parce que là, tu fais quoi exactement comme métier? Aujourd'hui, je suis sur des fonctions administratives. Je suis dans la gestion finance. Voilà. D'accord. Et ouais, pépettes, on en a pas, tu peux nous en donner. Il y a toutes les casquettes dans l'équipe. Il y a tout le monde dans l'équipe. Nous, on prend tous les centimes, on prend. Hein. Si ça tombe de ta poche, c'est pour nous. Surtout dans le studio. C'est ça. Par rapport au tremplin, je voudrais juste saluer notre ami qui est venu la dernière fois, Wood Mike, parce qu'il avait une anecdote sur le tremplin. Et en fait, quand on est venu chez toi, Emel, ça m'a rappelé un peu son histoire, parce qu'il a un très bon souvenir aussi des tremplins. C'est une bonne façon de commencer et puis de faire des choses agréables. Hein, ouais, d'ailleurs, Thierry, vu que tu parles de Wood Mike, mais on peut retrouver l'émission également en podcast. Tout à fait, le plus simple, vous allez sur www.indestar.fr, mais oui. Sinon, vous allez sur les plateformes de podcast préférées et on est partout, partout, partout. Oui, même sur Twitch. Oui. Tout à l'heure, on fera un... parce que ML va chanter en live tout à l'heure. Ouais, ouais, choucla. Et ben, on sera disponible. Il n'y aura pas d'auto-tune. Ah, j'arrêterai pas. Bizarre avec ces chouclettes. J'arrêterai pas avec ça. Ouais, t'inquiète. J'arrêterai pas, j'ai signé pour ça. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais. Cool. Donc, on va t'entendre chanter en live tout à l'heure sur Twitch. Hein, oui. On est d'accord. Peut-être. Oui, je te confirme, c'est vrai. C'est sur Twitch. Ce sera sûr. Ça sera sur Twitch. Moi, du moment que je chante, sur Twitch je suis content. Je sais pas, je connais comment pas. Comment on fait pour aller sur Twitch? Alors, on va sur www.indestar.fr et en dessous, il y a un petit logo violet. On il est tout nouveau, hein. Oui, il est tout nouveau. C'est cool. Le violet, forcément, c'est la couleur de Twitch. On appuie dessus et on sera redirigé directement vers notre page Twitch. Mais ça, ce sera tout à l'heure, évidemment. Oui, c'est ça. Comme tu l'as bien annoncé, d'ailleurs. C'est ça, hein. Vous entendez la mif? Faut cliquer sur le petit lien en dessous. C'est l'occasion de préciser que vous êtes aussi sur les réseaux. Sur quel réseau on peut vous trouver? Bon, un peu tous, hein. TRUK, on peut le retrouver sur Snap, sur Insta, Facebook. Pareil pour Jiskra, pareil pour moi. Sur la chaîne YouTube. Sur la chaîne YouTube. Les trois réseaux les plus. Comment dire, bah, les plus connus, quoi, tu vois. Ouais. On sur YouTube, on voit pas mal de petits clips. Alors, soit des extraits des compiles, soit des choses en totalité. Il y a plein de choses différentes. Et moi, je suis tombé aussi sur une vidéo où on vous voyait bricoler ce fameux studio que tu as fait. Ah ouais, dans le garage. C'est ça, les trucs. Donc, partout. C'est intéressant aussi de te connaître, de vous connaître autrement. Pas simplement par la musique, mais aussi ce que vous pouvez faire. Qui est ML derrière l'artiste? C'est ça. Comment s'appelle-t-il? Est-ce qu'il s'appelle Ferdinand? Cherchez. Mais que veut dire ML? De quoi je m'émêle? Oh, les bonnes là. Joli. Bon, parmi tes artistes rappeurs préférés, j'ai cru comprendre qu'il y avait un Brassens. Alors je me dis, il était complètement barré comme une guitare. Ah, je le connais comme rappeur. C'est quoi ce Brassens dans les rappeurs? Ah bah, on sait tous, hein. Ah bon? Si Brassens, il serait à notre époque là, il aurait fait du peur, tu vois. Je le connais pas, moi. Parce que quand tu écoutes ses paroles, C'est des trucs, il y a des vrais sujets, il y a des vrais trucs, même s'il y a de la métaphore, s'il y a de la comparaison et tout, de la personnification, tout ça, des belles figures de style. Mais nous, on écrit le rap comme ça aujourd'hui, tu vois. Même si t'as l'impression des fois que c'est un peu cru, tout ça, machin, c'est qu'il y a sûrement des métaphores qui se cachent derrière. Ça, sachant que le rap joue beaucoup comme avec les mots et peut être très ironique. Certes. C'est pas faux. un peu de vocabulaire pour les gens qui comprendraient pas certains mots dans le rap, c'est quoi avoir le seum? T'as le seum coincé dans la gorge. T'as le zit. T'es triste, c'est quoi la définition? T'es triste, t'es un rageux, dégage. T'as la rage, ouais. T'es triste, un rageux, dégage. T'as la rage, t'as les boules. C'est ça. Ça vient de l'arabe, seum qui signifie poisson. Alors là, je sais venin. Pas du tout d'où ça vient. C'est quoi Askip? À ce qui paraît. Bah ouais. Tout simplement. C'est une abréviation d'une phrase. On raconte que voilà telle chose. On en dit des choses. Ouais, c'est On invente des trucs. C'est quoi la S? La S, c'est la S, c'est la merde. C'est la galère. C'est quand t'es dans la misère. Pourquoi c'est le chaos, c'est la crise. Pourquoi tout le monde est agressif? Ça vient aussi de l'arabe et ça renvoie au bruit de l'enfer, dites donc. Oh là là, c'est le bruit de l'enfer. Ah ouais, je retirerai plus. Ouais. C'est la misère, c'est la merde. Bah, c'est ça. Marave, c'est quoi Marave? Marave, c'est on va te niquer ta race. On va te tuer, on va te battre, on va te frapper. Fais te soulever tes os. Dessoudé. Ouais, ils sont très imaginatifs. Ouais, c'est ça. Bon, et puis je voulais vous questionner sur les différents types de rap, parce qu'on se dit aujourd'hui, on entend le rap commercial, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? En fait, ça dépend de ce que tu veux. Tous les raps sont commerciaux. Voilà, tous les raps sont commerciaux. Mais par contre, t'as quand même des styles dans le rap. C'est comme, par exemple, quand tu prends le rock, tu vois, t'as le punk, t'as le machin, t'as le truc. Dans le rap, c'est pareil, t'as plusieurs catégories. Ça se réfère souvent à la prod. Tu vois, souvent c'est la prod qui prend le dessus, tu vois, sur le style. Je sais pas si les gars vous pensez comme moi. Il y a quoi comme style de rap du coup? Ouais, c'est ça. Qu'on aimerait savoir. Il y a le rap conscient ou hardcore. Il y a des total incultes de rap. Je partirais pas parce que pour moi, rap conscient, ça vient pas d'un style de rap. Parce que tu peux faire n'importe quel style. C'est le rap qu'on oublie aujourd'hui. Ça, c'est les paroles, ça. Les paroles, elles sont conscientes ou alors elles sont pas conscientes. Tu vois, les paroles, elles sont conscientes, soit elles sont faites pour danser, par exemple. Tu vois, interpréter comme elle veut. En gros, conscience, c'est pas la parole, mais l'interprétation ou la prod. Voilà, l'interprétation, elle change. Conscient peut être énervé comme il peut être. Exactement. Doux, d'accord. Fait. C'est juste dans ce qu'il raconte, en fait. Ouais, tout simplement. Okay. Après, il y a plein de styles, tu vois. Ça sort en plus. Ouais, moi, j'étais par rapport, si tu remontes aux origines des années 70, à quoi ça servait le rap parce qu'aujourd'hui, on a de la mélodie, on a de la musique, mais au départ, c'était pas la musique le plus important. C'était la voix des proscrits, les gens qui n'avaient pas la parole. Bah ouais. Donc, c'était surtout la parole qui était importante pour avoir un coup de gueule. C'est un message à faire passer. Ouais, ouais. Le message, tu vois. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on fait plus de la musique, tu vois. C'est vrai, le message, c'est un peu tout le temps le même, tu vois. C'est moins axé sur le message, c'est ça que ouais, dire, c'est moins axé sur le message, ouais. Bah, c'était vraiment militant au début. Bah, quand on écoute Jules, par exemple, moins du tout axé. Non, mais en fait, il faut prendre position, tu vois. D'accord. Quand on parle aujourd'hui du rap conscient, bah, c'est pas la musique qui se vend aujourd'hui. Bah, non. Maintenant, c'est dans le divertissement. Ouais, c'est ça. Si tu prends position. On s'en fiche que ça fait la lambada du moment que ça fait danser les jeunes. Voilà. La zumba. La morale, tout le monde la connaît au bout d'un moment. Donc c'est ça, les gens. Ça veut dire que dans le rap commercial, c'est la mélodie qui prend le dessus. Ouais. Quoi, hein. Mais pas que dans le rap commercial. Hein. En ce moment, en tout cas. Mais ouais, complètement. Les refrains qui se retiennent facilement. Ah ouais, Les top lines. Ouais. Les mélodies et tout. Ouais, parce que tu vois, moi, quand je parlais la conscience politique, je pensais par exemple à IAM, quoi. Il y avait vraiment beaucoup de textes. Ah là, c'est engagé, chose. Quoi. C'est qui IAM? C'est la racine. Hein. Ouais, je connais pas. Hein. Ah non, mais c'est en toute musique. Hein. T'es dit ouais, musical. Je nage. Ouais. Je fais de la radio, mais vous savez. Ouais, mais musicalement, il est pas. Je suis même pas sûr si on y parle des Beatles qui sachent qui. Si, c'est un groupe anglais. Ça. Ah si, quand même. Bon, ça va alors. Ouais. Bien. Ouais, bon. Je suis bon. C'est bien, t'es dit. Je crois que sur tes là, faut pas y demander grand chose. Hein. C'était déjà pas mal. En vrai, ça fait déjà un truc. C'est déjà bien. Mais si, j'ai cité Jules tout à l'heure. Waouh. Wow. Enfin, t'aurais pu t'en passer. Non, c'est bien Jules. Et si on parle de MC Solar ou Gaël Faye, ça serait quoi pour vous? Bref, moi MC Solar j'aime bien parce que ce qu'il raconte c'est des belles histoires. Alors c'est peut-être un peu plus poétique. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est poétique. Oui, complètement, on pourrait dire. Parce que je connais en plus. Parce qu'on parlait de métaphores avec Brassens, il y a beaucoup de métaphores, il y a des rimes très riches, voilà, il y a beaucoup de travail. Je sais pas ce que ça veut dire pour toi, rime riche. Ouais. Hein? Mais. Bah, rime riche ça veut dire quand ça rime. Non. Oui, non, mais qu'il y en a une quantité importante et pas recherchée. Ah ouais. Bah, après, tu vois, MC Solar, c'est imagé de ouf. Ouais. Tu vois, chaque musique, ça raconte une histoire. Tu vois, ouais. C'est chaque musique, c'est une série Netflix carrément. C'est MC Solar, ah ouais. C'est non mais si, mais faut bien les écouter les musiques. Ah, faut mais... aimer les séries Netflix. Qui n'aime pas les séries Netflix? Qui c'est qui a pas Netflix là autour de la table? Moi. Moi, je suis pas très fan. Mais ouais, moi, vous êtes sérieux, les gars? Je regarde des trucs de Netflix, oh là là, je suis pas très fan. Ça. Voilà, c'est ça. À un moment par donné, contre, t'as fait le tour quoi. Dans le rap, j'étais en train de penser, il y en a ouais. Un groupe de rap que Théo aime bien particulièrement, c'est NTM. Ah ouais. Il me regarde, j'en sais qui. Mais du coup, le gag c'est que Théo vient de rentrer dans le studio et il a regardé d'une tête. Mais NTM, effectivement, non, mais c'est les précurseurs, t'as dit. Ouais. Bah ouais, les précurseurs. Ouais, ils ont lancé quelque chose. Les précurseurs. Ah, ouais. Ah, et Assassin. Ouais. Non, mais Théo, il préfère MC, tu kiffes. Après, est-ce que par exemple, le style d'Eminem, ça vous tente ou pas? Parce que lui, il a un flow Eminem, de dingue. Le king. Ouais, t'arrives à faire comme lui Ouais. Il faut demander à Jiskra, c'est le meilleur. C'est le seul. Tu nous ferais un petit exemple, je sais pas, avec des mots. Avec des mots. Ouais, bah. Je le faire en live tout à l'heure. En live tout... Ah ouais, parfait, parfait. Voilà. Ça c'est bon ça. Bon, en live Twitch, vous pourrez voir tout ça. Tiens, puisque tu as la parole, Jiskra, tu as fait des albums déjà. Non. Non, non, non, non, du tout. Ah, il a fait un non. Non, non, non. C'est ça. Pas encore. Moi, j'écris des textes depuis l'âge de 15-16 ans, mais jamais vraiment enregistré ou quoi. C'est plus avec Thomas où on s'est connecté ensemble. C'est et, qui Thomas? Emel, pardon. Je connais pas Emel. Thomas. D'accord. Il est pas là, Thomas. Il y a Emel aujourd'hui. D'accord. Il nous a vendu la mèche. Et ouais. Je suis en base. Du coup, on enregistre des sons chez lui. Mmh. Ou okay. Même et moi chez moi. Tu fais quoi dans la vie, Jiskra? Chauffeur, opérateur, pétrolier. Ah ouais, ça, ouais. Ça pèse, mon gars. Comme quoi c'est lui, les marées noires. Je suis pas livreur. Je travaille sur tout ce qui est entretien, station-service et compagnie. D'accord. T'as vu comment il nous a balancé ça? Ça a jeté quand même. Ah c'est ça. Ouais. C'est comme ça que c'est marqué sur la fiche de paye. Hein. Oh là là, il pèse. Hein. Bon, et toi, Trek, au niveau du rap, t'as sorti des tubes, tu fais quoi? Alors, j'ai pas encore d'EP ou d'album ou quoi. Je sors un son tous les samedis à 18h. Des freestyles. Le mec est chaud. Je vais sortir sur Insta aussi. J'ai sorti 21 freestyles sur Instagram aussi. Donc, j'essaie de tracker. Tu fais le show. Ouais. Et on a un petit projet, un petit EP de 6 titres en commun. On a sorti un EP, exactement. Moi et ML On Play et TREK qui est sur ma chaîne là, 6 titres en commun. Qu'on va faire tout à l'heure. Alors ça permet de revenir à tes projets parce qu'en fait le studio que tu as fait chez toi, alors c'est pour faire des choses aussi à toi, mais pour produire aussi les autres. À la base, c'est ce que je voulais faire, mais j'ai arrêté. Tu vois, je me ouais, suis c'est plus ce qu'on dit, j'ai arrêté. Et puis le lendemain, on le voit dealer en face de chez lui. Non, c'est vrai. À la base, vraiment, je voulais essayer de produire des gens qui rappaient, tu vois. Mais après, j'ai arrêté. Mais c'est vrai, tu vois, parce que déjà trop de temps juste pour moi. Tu vois, je peux pas. Maintenant, je me consacre à moi, à ma musique. Mais déjà, ce que tu fais avec tes potes, là, vous êtes en train de monter un petit quelque chose, quoi. Ah après, vous verrez bien où ça va. Mais un petit collectif. C'est ça, ouais, je sais pas si on peut dire collectif, mais on est tous ensemble. On a tous notre poste bien concret. Et chaque année, ça évolue. Chaque année, on fait de plus plus de trucs. Et du coup, tu vois, je sais pas comment le dire, les gars. Mais en vrai, tu vois, ça avance bien, tu vois. Alors, si on fait le point, qu'est-ce qui est dispo? Qu'est-ce qu'on peut aller, je sais pas, sur les plateformes? Déjà, on peut aller sur la chaîne YouTube de TREK. Déjà, pour aller voir tous ces sons qui sortent les samedis. Tous les samedis à 18h. Déjà, on peut aller là-bas. Ensuite, on peut aller sur la chaîne ML Home Play, donc la mienne. Donc pareil, il y a tous mes sons, tous les sons de GIS qui sont sortis avant aujourd'hui. Après, je pense que toi tu vas te mettre plus tard, à chaîne, parce que il n'a pas encore la chaîne YouTube, tout ça. Du coup, pour l'instant, c'est moi qui relaye les sons. Il connaît pas YouTube. T'as internet au moins avec un peu de chance. Ça non, devrait aller. Il est chauffeur pétrolier, frère. Il est plus haut que internet, frère. Ah, mon gars, il n'a rien à voir avec internet, frère. C'est pour ça. À bientôt, il sera appelé chauffeur de luxe parce que pétrolier. Ah, mon gars. Ça fait bien sur le papier. Après. Il a un ordi qui tourne au pétrole. Hubert. Mais dis-moi, après chauffeur pétrolier, est-ce que tu veux être chauffeur de salle? Oh. Ouh. C'est, pas la même, c'est pas la même chose là. J.S. il va faire mes premières parties. Ouh. Ouais. Ah, par contre je reviens sur un truc. On a oublié de demander à Trek qu'est-ce que tu faisais dans la vie. Ah, alors ça c'est un sujet assez sensible. Tabou. Pas en parler, pas de soucis. En gros, pourquoi tu t'es fait, tu travailles chez Paul? Non. Pas encore. Non, je suis en accident de travail chez depuis Paul. 2020 en gros. D'accord, mais d'accord. Tu fais quoi si on travaille? Ah, je pas bah rien en fait. Je suis en accident de travail, donc j'étais bon, avant l'accident justement, je faisais de livraison en gros dans une pizzeria. D'accord. Dans une pizzeria lambda. C'est cool ça. Ouais, en vrai, c'était plutôt drôle en vrai, j'ai bien kiffé. C'était plutôt cool. Faut pas sous-estimer voir pizza. Attends, tu as des pizzas bien chaudes, ouais, c'est bon ça. Non, ça va, c'était cool. T'as nous apporté une pizza? Non. Même pas. Ah non, ça fait depuis longtemps, du coup, j'ai pas. Je suis déçu. T'as arrêté de te prendre. Mais c'est pas un petit tour, tu vas chercher une pizza. C'est pas très grave, je suis déçu. C'est à Grenoble, on va le dire quand même. C'était pas là. Livreur de pizza, t'as intérêt de faire vite pour pas qu'elle soit froide. C'est ça? C'est pas très grave, parce que même si on a pas de pizza, on a autre chose. On a la sauce. Alors, non, moi ce que je pensais c'est peut-être faire un petit live si ça vous intéresse. ML et Jiskra, peut-être que vous êtes chaud pour faire un live. Choucla. Et pendant que vous vous installez, j'en profite pour dire que vous pouvez retrouver cette. Alors pendant que vous vous installez, c'est que maintenant. Ouais. Allez, ça. La mif. C'est je dis ça et il s'installe pas. Mais bon, ça vous allez pouvoir le voir. Tout dire nous. Balance la prod, on avance. Vous allez pouvoir le voir sur Twitch, sur notre chaîne Twitch, en allant sur indestar.fr. Vous avez le bouton. Allez, on fait quoi? On fait quoi? On enlève la bonnette? Non, tu gardes ta bonnette. T'en as ta bonnette. Pourquoi tu veux enlever ta bonnette? Est-ce que ça a une importance? Vas-y, raconte. Je sais pas, je peux essayer. On va voir s'il y a une importance. Bah normalement, ça enlève les. Ouais. Choucle. Ça enlève pas la chouquette. Non. Moi, mon câble, il est tout petit. Ça veut dire. Donc là, vous le voyez peut-être pas encore, mais ils sont en train de s'installer. Ils sont en train de se préparer. J'en profite pour dire que vous pouvez retrouver cette émission de Peck Avenger sur indestar.fr, sur votre plateforme de podcast, Spotify, Deezer, tout ça. Mais le plus simple, c'est d'aller tout de suite sur indestar.fr. On a absolument tout. Ouais. Que ce soit le lien Twitch, comme on parlait, que ce soit tout le reste. Ce sera beaucoup plus simple. Oui. Si vous voulez nous appeler, n'hésitez pas au 09 70 407 306. On reste comme ça. Ouais, c'est bon. Ya. Écoutez le live de Jiska. Big up à tous ceux qui nous écoutent, la MIF. Merci d'être là, c'est cool. Alors, Indestar, Choucla. Est-ce que monsieur les rappeurs sont prêts? Yes, bah, ouais. Mais on commence par lequel du coup? Bang bang, on commence alors, par. Alors je sais pas, ils ont deux caméras, ils sont perdus. J'ai choisi, yes. Ouais. Je me suis occupé de tout. Alors est-ce que vous êtes prêts? Je vais mettre le son. Yes, balance ça. Vous êtes prêts? Ouais. Plus. Vous êtes vraiment prêt? Plus. Allez, chaud. Vas-y, j'arrête. Je fais plus le chauffeur de salle. Y'a 1, 2, 1. Indestar. C'est parti. Eh. 1. Ah. Indestar. Choucle. Hey. Bah oui, GIS. ML au play. ML. 1. Hey. Wow. Ah. Hey. On se barre dans l'Amboise. Et on va où? À Indestar, Ah oui! Ce soir! Bon, bon. Ya! GIML. L'herbe est plus verte chez le voisin. Jaloux. Philosophe et chimiste comme la voisine. Pas touche. À ce qui paraît, c'est le bazar. Quand je l'ai vu danser dans mes yeux, c'est le brasier. Me faire masser vers le Brésil. Et j'ai des plans qui sont pressés. Je les laisse courir, ils sont pressés. Y'a que l'endurance qui font de bande d'imbéciles. Cartouche. Ramener du rhum et de la tequila. Bourré. Je vais pas en boîte pour la taquiner. Touché. Un verre, deux verres, trois verres, une terre. Amène le micro et je vais tout kenner. Va falloir que ça parte en freestyle. Fiesta, fiesta, tu crois que tu peux tester? Essaye, reste. Retourne pas ta veste, tu connais le système, pète le caisson si t'aimes. Resserre-moi, salut, si j'avais le salaire, je serais au soleil. Oh ouais. Resserre-moi, salut, si j'avais le salaire, je serais au soleil. Oh ouais. Resserre-moi, salut, chou clair. Resserre-moi, salut, chou clair. Resserre-moi, salut, si j'avais le salaire, je serais au soleil. Oh ouais. Resserre-moi, salut, si j'avais le salaire, je serais au soleil. Oh ouais. Resserre-moi, salut, si j'avais le salaire, je serais au soleil. Oh ouais. Resserre-moi, salut, chou clair. Resserre-moi, salut, chou clair. Resserre-moi à Saloute, si j'avais le salaire, je serais au soleil. Ah ouais, si j'iscraille dans les parages, tire-toi. Pas d'où on défoncera les barrages. Victoire. Tête dans les nuages, me barre à 10 000 km. T'inquiète pas, c'est que le début du voyage. Je fais le tri de ce qui m'intéresse, c'est sûr. Au calme, ça sirote sur la terrasse. Posé. Bande d'imbéciles, faites place, on pose notre écuisson, c'est ici. Et maintenant qu'il y aura carnage. Bordel. J'ai besoin des saveurs de mon île. 974. Tu es mon type, je te prends sous mon aile. Respectage. Un feu, petite guitare, on refait le monde. Je fais mon show comme si j'étais sur scène. C'est le spectacle. Passe le rhum charrette ou bien les otiers. Presto. Oh là, j'iscrabe, on me présente. Amigo. On est plus que sérieux, n'en doute pas. On le coupe pas, on est sûrement pas là pour plaisanter. T'as fait péter le polo oral flow, croco. T'es assorti, ce soir c'est le fuego. On est sorti, pas d'ambiance sordide, t'es prévenu. Aïe aïe aïe aïe. On m'en démêle en playa. Même sans Maya, ferme les yeux, ma cage, je te téléporte jusqu'à Pattaya. Seuls les vrais savent qu'on est riche du cœur, mais ça fait pas tout. Mets bien ma couille et sur ce banana trou. Resserre-moi sa loot, si j'avais le salaire, je serais au soleil. Ah ouais. Resserre-moi sa loot, si j'avais le salaire, je serais au soleil. Ah ouais. Resserre-moi sa loot. Chou. Clair. Resserre-moi sa loot. Chou. Clair. Resserre-moi sa loot, si j'avais le salaire, je serais au soleil. Ah ouais. Resserre-moi sa loot, si j'avais le salaire, je serais au soleil. Encore. Resserre-moi sa loot, si j'avais le salaire, je serais au soleil. Resserre-moi sa loot. J'ai. Resserre-moi sa loot. Chou. Resserre-moi sa loot, si j'avais le salaire, je serais au soleil. Ah ouais. Et bah bravo, gagne l'équipe. Bah ouais, ouais, moi j'aimerais dire. Eh, c'est bien ça, ça envoie du son quand même. Ouais, bah ouais, on essaye un peu. Bah ouais, un petit peu. Ouais, ouais. On essaye un petit peu. On est là pour ça. Hein. Bah c'est ça. Pendant que vous êtes là, est-ce qu'on en ferait pas un petit deuxième? Allez, hein, t'es oui, chaud, oui, t'es chaud, oui. Allez, tant qu'on est là. GIS, MLM Play, Chouk, là, je suis à Amboise, 37.4, baby. Tant qu'on est là, tant qu'on est là. Eh bah si vous êtes chaud, on y va dans 3, 2. Là, c'est un peu plus conscient déjà. Rap musique. Oh. C'est le J, c'est le I, c'est le S. Oh. Viens leur montrer c'est qui le talent. C'est qui le talent, c'est qui le talent. Bang. Ow. Ow. Ow. Oh. Hey. Oh. GIS. C'est G-Ska. Ah. ML. Ah. Indé. Star. Ah, ok. Ah. TR. Check. BO. Eh. On m'a dit fais-le, fais-le, fais-le. Mais fais-le vite, j'fais le plein d'inspiration. Car dans ma tête, faut que j'fasse le vide. Un minimum conscient, faut que j'me concentre. Faut que c'est consorte, non c'est pas des loges. J'me consacre et bien qu'on sache qu'à mon égard n'y aura pas d'éloge. Laisse-les parler, laisse-les parler. Ils ont pas la mentale, c'est monumental. C'est trop lamentable, ils en font des montagnes. Tout ça pour des billets, le rap devient bancal. Tout ça me manque grave et moi je prends l'âge. Faut que j'leur montre car quand pète l'orage. C'est dans mes songes, hélas pas le choix, j'vais devoir les plier. Gravir des échelons, c'est gravir les paliers. Sur mon sort, pas le choix, je ne peux pas m'apitoyer. Trop dans le détail, à trop tailler le crayon des heures. À veiller, à raturer le cahier. Je pense des principes, ils pensaient pour Cayenne. Plutôt discret, je voulais pas qu'on me voyait. Je suis un enfant du soleil, pas un enfant de la cahier. J'en trouve plus le sommeil, il s'agit de batailler. Cheer. Regardez droit devant l'avenir, pas encore tracé. Wow. Dis-moi, toi qui viendra déroger mes plans. Dis-moi, je dois refaire ma route, ils veulent pas me laisser passer. Hey. J'avoue, j'ai eu tort de laisser couler le temps. Aujourd'hui, même plus peur, je dois vous rendre l'appareil. Pas mon tour de jouer, je dois quitter le banc. Je fais le tri, toi et moi, c'est pas pareil. Pareil. Je reste entier et seuls les vrais le ressentent. Les yeux pleins de vide au bord de la falaise. Avec le temps j'ai fait ce qu'il fallait. On avait ce qui ce putain de palais. Justice qu'on leur rende l'appareil. Leur a pas perdu ses codes. Petit frère continue d'aller à l'école. Aucune fierté à l'air-tour au placard. C'est pas dans les plaquettes qu'il y a des diplômes. Le fric. Dépenser de la SACM dans le casino. En vrai le soir ils veulent tous se faire câliner dans le peur. Tout le monde veut l'image d'Al Pacino. Quitte à voir leur famille en train de patiner. Garde à vue Hollande. Tribunal on s'est pas quitté. J'ai des potes d'enfance dans toute la France. Malgré la distance on s'est pas quitté. On est toujours ensemble. Tous les potes aux questions. Avoue je sais que t'en as envie. Si le succès se cache tant pis. Pas validé par Gaston B. Tout donner poto qu'est-ce t'en dis. Avoue je sais que t'en as envie. Si le succès se cache tant pis. Pas validé par Gaston B. Oh. Regardez droit devant l'avenir pas encore tracé. Bow. Dis-moi toi qui viendra déroger mes plans. Dis-moi, je dis-moi, dois dis-moi, refaire dis-moi. Ma route, ils ne veulent pas me laisser passer. Uh-huh. J'avoue j'ai eu tort de laisser couler le temps. Bow. Aujourd'hui même plus peur je dois vous rendre l'appareil. A mon tour de jouer, je dois quitter le banc. Je fais le tri, toi et moi, c'est pas pareil. Ah, okay. Je reste entier et seuls les vrais le ressentent. Et seuls les vrais le ressentent. Et seuls les vrais le ressentent. Yeah, yeah. ML, JS, 1, wow. Indestar, freestyle, boum. Et serrer la ronde. Okay. Ça peut être pas mal. Eh ben bravo, moi je dis. Merci la mif. Est-ce qu'on en ferait pas un trou? Non, je... Allez, moi je suis chaud, ouais, tu dis ça, moi c'est bon. Tout à l'heure. On s'en calme, on s'en calme. Mais peut-être, effectivement, tout à l'heure, on aura encore du live. Ouais, hein. Il faut rester connecté, la mif, ça revient après. Évidemment, faut rester du lourd après. Stars, parce que sur une des stars, nous aussi. Avons Emel, nous avons Jiska, nous avons Trek, nous avons Boule. Boule. C'est ça. On va t'entendre tout. B-O-U-L. On va. Bon, c'est pas grave. Tu penses ou tu penses pas? Ça dépend, ça dépend. Tu suis. Moi, ce que je pense. Tu penses ou t'as pas le choix? Ce que je pense, c'est qu'il y a de la musique sur Indestar. Ça, c'est sûr, vous l'auriez. Enfin, vous l'avez compris. Oui. Mais quelle musique vous avez? Amora Boy. Amora Boy. Est-ce que ça a un rapport avec la maillot? Amora. Amora. Non. C'est vrai que ça pourrait, ouais. Si ça se trouve, ils ont trouvé leur nom comme ça. Un bon repas. Je pense pas. Non, moi je sais pas. Bah, en tout cas, j'aime pas la maillot perso, donc ça va être compliqué. Mais c'est losing maillot ketchup, le grand débat. Losing my priorities. Ah ouais, losing my priority. Oui. C'est my priority, vraiment. Ouf. C'est pas my priority. En tout cas, Indestar, c'est la priorité. Oh, ils ont fait un franglais. Ouais. Franglais des familles. C'est ça, c'est Indestar. Kevin, le plus geek des animateurs de Peck Avenger, jusqu'à 23h sur Indestar. C'est le seul de l'émission à avoir une chaîne Twitch. Chou clair. Ça, c'est plus totalement vrai non plus, vu qu'Indestar a une chaîne Twitch maintenant. Bah oui, bien sûr. Je suis le seul animateur à en avoir une, mais... C'est la radio, en a une maintenant, et pour la retrouver, il faut aller sur www.indestar.fr. Vous avez le petit onglet Twitch qui est en violet. Oui, on peut suivre une partie des émissions. Hein, voilà. Twitch, va peut-être falloir qu'on en fasse une aussi, nous. Surtout les lives. Ouais, les lives, oui, ça peut pas mal. Et puis une partie de Starter. Hein, oui. Oui, c'est vrai, vous avez Starter en live. Dans Starter, vous avez la partie sujet et la partie garage que vous pourrez retrouver en live sur Twitch. Vous pouvez aussi les retrouver en podcast, évidemment. Et dans Actu Solide, vous pouvez retrouver les défis. L'Actu Solide, c'est mercredi de 21h à 23h. Oui, ils se lancent des défis, genre se faire éclater des œufs sur la gueule. Hein. Il y a une vidéo qui tourne en ce moment sur Facebook. Excellent, ils font une expérience. Un professeur qui revient de loin. Oui, oui. Et il y a une nouveauté ce soir, les lives de Peck Avenger Artist sont disponibles sur Twitch. Oui. Évidemment. Voilà. Forcément, oui. Et sinon, pour Starter, je parlais Starter parce que je voulais glisser que demain, il y a une spéciale. Starter. Oh le spoil. Mais oui. Non, oui, effectivement. C'est vrai, cool. Demain, il y a une émission spéciale Starter de 21h à 23h, si je ne me trompe pas. Ouais. Spéciale, ça doit être 2h. Ça doit être ça. Oui. Je suis dedans, mais je sais pas. De toute façon, comme d'hab. Ça sera une spéciale à se passer en janvier. Et effectivement, ça tournera autour des avions. Mais ce qui est très intéressant, c'est que parmi les invités, il y en a qui ont bossé directement par rapport des pilotes d'avions. Pas de chasse, mais. On a GIS, c'est un pilote GIS. Pas cela. Ça va être GIS, tu pilotes des trucs, GIS? Non. GIS, il pilote des camions. Ouais, mon des frère. Camions, c'est tout. Il est pilote de camion, lui. C'est déjà pas mal. Hein, c'est déjà bien. Ouais. Je pilotais aussi des camions, des moins de 3,5 tonnes, donc du coup, c'est pas vraiment des camions. Miniature, non? Ouais, les miniatures. Frigorifique, donc bien cubique. Mais camion Playmobil. Ouais, mais c'est sympa. Mais donc, on va peut-être revenir à notre émission avec Daniel. Daniel, il va partir dans le passé, Daniel. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Allez, ça part. Tu vas aller un peu en retrait par rapport à... Oui, tu vas nous parler de musique. Oui, quand nous avons rencontré avec Thierry et Kevin, nous avons rencontré Emel. Il avait un poster de ses chanteurs. Excuse-moi, je suis un petit peu feignasse des fois. Alors Emel Homeplay, pardon. Gang. Yes. Gang. Tu nous as parlé de Georges Brassens. Choucler. Tu nous as parlé de Renault aussi. Ouais. Alors Renault. On va parler de Renault. Vas-y. La marque de voiture. Oui. Voilà. Tu t'es trompé d'émission. Non. C'est... Sauf que. On n'est pas sur Vibrequin. Hein. Non, on a Starter. Starter, c'est mieux. Bien sûr. C'est au-dessus. Il y a de l'humour dans Starter. Ok. C'est vrai qu'il n'y a pas d'humour dans Vibrequin. Enfin, l'humour à nous. Oui, voilà, NSR. Et du coup, le Renault, c'est rien à voir avec Lynn Renault, on est d'accord. Mais si, je le connais, c'est un vieux en plus. Bah oui. Oh, c'est méchant. Ouais. Non, mais tu commences à connaître les vieux, c'est bien. Il est toujours vivant. Ouais. Mistral gagnant. Exactement. Entre autres. Ou avec Axel Red aussi, parce que je l'aime bien. Manhattan Kaboul. Ouais. Sauf que, vous savez, sur Indestar, on fait jamais les choses comme tout le monde. Oui. C'est vrai. Donc, on va pas parler de Renault, le chanteur. Mais de tous les talents artistiques qu'il a à côté. C'est ça, un artiste vraiment complet. Il en attend que ça. Alors qu'est-ce qu'il fait d'autre à part chanter, Renaud? C'est fait moi, de savoir. Du pain. Il a traîné à serrer la ronde lui aussi. Ah c'est sûr. T'as entendu de sa voix? Bah, ouais, il a deux partout, paquets par jour, mon gars. Alors, on va faire le petit jeu, mais il est né en 1952, le 11 mai 1952. Il est pas né en 92, celui-là. Par contre, non. Né en 1er décembre. Non, 40 ans avant, 52, 92. Ouais, ouais. Pas le 1er décembre, par contre. Désolé, j'ai voulu trafiquer sa date de naissance, mais ça se fait pas quand même. Et puis ça se voyait un peu. Genre. Voilà, ouais, ouais. D'un seul coup, quelques mois de plus à son âge, ça serait. Ouais, ouais. Bon, alors, il a été acteur déjà. Ah bon? Ah bon? Eh ben, j'ai aucun souvenir de l'avoir vu dans un film. Si. En même temps, ah ouais? Il a dû faire un film. J'ai plusieurs. Aucun souvenir. Il a 12 participations à des films ou séries télévisées. Ah ouais? Tant que ça? Première, tiens, la première. En quelle année? En 1515. Non, j'ai. Je sais pas. En 75. En 92? Je vais dire 98. Non, une autre. En 70. 66. Eh ben c'est encore plus vieux que ça. Il a commencé en 68. Donc, il est né en 52 et il a eu son premier rôle en 56. Ah ouais. À 4 ans. Ouais. Il a fait un truc d'enfant. Un truc d'enfant. Et lui et son frère David, vu qu'ils sont jumeaux, font en fait de la figuration, des jumeaux habillés en rouge dans un moyen métrage dans lequel Edmond Séchant donc était chef opérateur. Et il fallait des enfants, donc il a proposé entre autres ses enfants. En d'accord. Plus, je viens d'apprendre qu'il a un frère jumeau. Tu savais pas? Non. Ah bon, bah maintenant tu le sais alors. Et il chante? Bah comme ça. Non, il chante pas. Ouais. Non, pas du tout. Donc. Pourtant, il doit avoir la même voix. Voilà, peut-être. Je sais pas. Donc il a 12 participations, en gros autrement de 77 à 2017, ouais. Dont son rôle dans le fameux Germinal de Claude Berry en 93. D'accord. Voilà. Il a réalisé, alors celle-là, donc il s'est occupé, il a réalisé une pub pour une marque de bière. Mais c'est ça, ah bah ça c'est pas Renault, ça. C'est pour ça que c'est ton idole. C'est rigolo, hein, les gars. Hein. Ah bah ouais. Sauf que, il l'a regretté cette pub quand même. Bah oui, normal. Ah, pourquoi? Ouais. L'histoire ne le dit pas, mais par contre, il a tellement eu. Il l'a tellement regretté qu'il avait gagné 900 000 francs. Ouais, il avait gagné 900 000 francs. Il en a fait don de ses 900 000 francs au Muséum d'Histoire Naturelle pour rénover la grande galerie de l'évolution. D'accord. Donc il a vraiment pas voulu toucher un sou de cette. Ouais, de ce qu'il c'est normal, il a tout bu. Toutes les canettes, mon gars. Pendant la pub. Peut-être qu'il a été alimenté pendant qu'il a écrit. Alors, cette peut-être. Pub. Hein. Ça fait ouais. Acteur, pub, bah, c'est acteur aussi, hein, pour le coup. Écrivain également. Il a écrit un livre. Oui. Il a écrit. Ah ouais, entre ça c'était sûr. Son autobiographie, entre autres, mais il n'a pas fait que ça. Il a tenu des chroniques dans Charlie Hebdo à deux reprises, 92-93 et 95-96. D'accord. Et quelques rubriques à un nom de journal qui me plaît beaucoup qui s'appelle L'Idiot International. C'est sûr que ça te va bien en plus. ce clash. Tu y travailles depuis longtemps. Tu sais que c'est trompé, hein, c'est oui, je suis au courant. T'inquiète. Connais, hein, j'y travaille depuis longtemps. Ouais. Fais gaffe, ça va être moi qui vais prendre la relève, donc je suis au courant. C'est un très bon élève. Hein. Il sera aussi l'idiot du village. Je trouve que tu apprends vite. Oui, t'inquiète. Il y a des trucs, oui, j'apprends vite. Oui. Il a fait de la sculpture aussi. Ah. D'accord. Ah, mais pourquoi je crois que ça serait plus facile de résumer ce qu'il a pas fait du coup. Non, mais là, par contre, ça devient intéressant. Je vais vous laisser deviner sa plus célèbre sculpture. C'est une tête de quelqu'un. Essayez de me trouver un nom. Une tête de président. Non. Non, attends. Une tête, t'as une idée là? Non, je cherche justement. Une tête d'un artiste? D'un artiste, oui. Musical? Oui. Johnny. Célèbre? Célèbre. Ouais, très célèbre. Je vais dire. Français? En plus, très célèbre, français. Johnny Hallyday? Non. Claude et François? Je vais en rajouter une. Non, c'est très pas... célèbre, très célèbre chez les rappeurs. Brassens? Yes. Ah ouais. Il a fait la tête de Georges Brassens. D'accord. Et cette tête, donc, figure sur. Figure au niveau de. Donc elle est exposée dans la maison, dans une maison où Brassens a vécu. Et elle est jolie? Je n'en sais rien. Comme ça, ça répond à la question. N'improvise pas un sculpteur qui veut. C'est ça. Et donc Brassens, c'est tu t'es payé ma tête? Bah, you're talking to me? Ah ouais. Ah ouais, c'est comme ça. Ils sont mes droits de SACEM maintenant. Ah, il est pas un peu mort, Brassens? Non. Ouais, si. Non. Non. Non, il est vivant. Bah non, il est mort. Ouais. Il est mort. Il est mort. Ah, j'ai envie de sembler. Waouh. Quelle année. Joli. Bah techniquement, il aurait 99 ans. Hein. Oh merde. Non, il serait centenaire. Je crois qu'il est né en 1922. Non. Et c'était une réponse d'un. Enfin, c'était une question de mon quiz. Je sais quel âge il a, mais je ne dirai plus rien. Spoil. Non, mais je le savais à peu près parce que j'ai. C'est pour ça que j'ai. Il est pas centenaire. Parce qu'il y a quelques mois, j'ai déjà fait un sujet sur Brassens. C'est pour ça que j'ai dire que t'es plus vieux que lui, mais je... C'est pour ça que j'ai pris Renaud, parce que j'allais pas refaire la même chose. D'accord. Voilà, ouais, j'ai trouvé tel... j'ai pas passé le meilleur de Renaud encore. Hein. Alors, à savoir, c'est un grand passionné de BD, il en est complètement fou de collection. Il a plus de 3000 pièces de BD différentes. Il collectionne des BD en plus. Ouais. Et des canettes vides. Mais... vous allez voir, il collectionne d'autres trucs, c'est complètement fou ce type. Les pétards. Les ongles de pied. Les capsules. T'es pas cheveux. Très loin, t'es pas très loin avec les pétards, Thierry. Les feux d'artifice. Les oranges. Là, on verra tout à l'heure. Je vais juste faire une. Un petit détour vers quelque chose de vraiment pop culture, le jeu vidéo. Ouais. Il joue au jeu vidéo ? Non. Non. Par contre, son univers a inspiré un jeu vidéo qui s'est appelé Marche à l'ombre. Ah ouais. D'accord. C'est quoi ce ouais, qui est sorti bon de 1987 si je me rappelle bien parce que je l'ai pas noté comme un abruti. Mais c'est quoi son univers? Ouais, c'est Costa Tupi et Marche à l'ombre, c'est connu. Ah ouais. D'accord. Et du coup ils ont fait un jeu et tu dois faire quoi dans le jeu, tu sais ou pas? Justement oui, je vais en parler un petit peu. Ah ouais, parce que là ça m'intéresse. Ouais, alors peu... pour les puristes, il est sorti sur Amstrad, Atari, Commodore 64, ouais, donc, sur les premières quoi. Voilà, sur les premières. Ah mais... ça te parle les mails hein. Voilà. Ah, je suis à fond. Tu savais pas qu'il avait fait tout ça hein. Voilà. Je suis à fond, je connais tout. Alors le jeu propose d'incarner un jeune banlieusard, Renault ou un autre, hein, Renault jeune, d'accord, qui s'est fait taxer sa meule. Sa mobilette pour ceux. Ah, il s'appelle Gérard Lambert. Son bigadingue. J'ai une anecdote justement sur Gérard Lambert aussi après. Et bah, il faut récupérer pièce par pièce. La mobilette. En fait, alors, tu joues quelqu'un de Marseille. Voilà. Et après, faut, voilà. Après, il faut qu'il trouve des places pour le concert de Renault en plus. Hein, voilà, putain, le gars, il fait sa propre promo. Bah oui, c'est ouais. Normal. Alors, ça commence, on t'a piqué ta meuble, tu dois retrouver les morceaux et la remonter le plus vite possible. Parce que c'est justement ce soir que t'as promis à ta copine de l'emmener au concert de Renault. Oh, wow. Concert de ML. Voilà. ML. ML. Ah oui, ben, on m'avait pas dit qu'on avait refait le jeu déjà là depuis 5 minutes, c'est pour ça, j'étais pas au courant. Et n'oublie pas les billets, surtout préviens là que. on partira avant 19h30. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, hein. D'accord. Voilà. Ça dépend si t'as trouvé ou est-ce qu'il faut mettre le soufflé du cardon. Bah oui. Faut manger. Alors, avant. Après, il y a différentes situations. Des fois, faut se battre. Des fois, voilà. C'est. Faut pas se faire piquer ses godasses. D'accord. Derrière le bar. Ouais, au comptoir. Ouais. Faut pas boire de café noir aussi ou je sais pas. Ah oui. Puis ça après, toi, tu me fous les glandes. Quand toi, tu pues et marche à l'ombre. C'est les paroles. Ah, oui, c'est ça. D'accord. Voilà, c'est ça. C'était parmi les plus célèbres. Alors, quand même. C'est quand même un artiste qui est quand même connu. Il a eu 16 récompenses musicales. Ah, ouais, pas mal. Ah ouais. Dont, wow. Un artiste. Dont 5 victoires de la musique. Et en 2003, il a eu justement, vous parliez de Matatan Kaboul, il a eu la meilleure chanson et le meilleur album Boucan d'Enfer. C'est sorti ça, en 2003 c'est... Ouais, 2003, ouais. Oh, putain, c'est si récent que ça. Voilà. Enfin, récent. Bon. Ouais. C'est pas si vieux que ça et c'est pas récent non plus. Ouais, parce que bah, 2003. C'est après les attentats, quoi. C'est entre les deux. Voilà, ouais, c'est ouais. Ça. Alors, on parlait justement de collection de Renault. Oula. Les capsules. Non, il a entre autres un Mediator de Bruce Springsteen. Il collectionne le Mediator. Non. Peut-être. Il a un inédit de Georges Brassens. Ouais. Mais justement, wow. T'étais pas trop loin avec tout à l'heure avec ton histoire. Les joints. De joints. Qu'est-ce qu'il collectionne qui est vraiment. La weed. Non. C'est des graines de bœuf. Alors, c'est des restes en fait. C'est ce qui reste de la clope. Ah, les mégots. Ouais, mais de quelqu'un particulier. Mais wesh, dès que quelqu'un collectionne des mégots déjà. Et de quelqu'un d'autre en quelle année ça se fait ça, wesh. Et de quelqu'un d'autre. Bah, de Brassens, non. Non. Ah. Quelqu'un qui fumait énormément. Ah, Gainsbourg. Ouais. Ah, et ouais. Le mieux, c'est qu'il les conserve encadrés. Mais attends, t'as un business. Ouais, plutôt même, quand même. C'est sûr. Ouais. C'est sûr. Ça doit puer le truc. Mais non, c'est sous verre, c'est sous vide. C'est sous verre, oui. C'est pas peut-être sous vide, mais c'est au moins sous verre. Sous cloche. D'accord. Chouclard. Alors, il faut avoir un grain quand même. Je sais pas. L'histoire de Gérard Lambert. D'où vient le personnage de Gérard Lambert? C'est 14 qui, avril 78 dans ma banlieue où kiffait lui. Un petit route est déserte et Gérard Lambert entre chez lui. Dans le lointain, le jour se lève comme d'habitude. C'est une chanson de Renaud, ça? Alors il y a évidemment. Ouais. D'accord. Ouais, il y a aussi un autre bien moment. Dans le lointain, les mobilettes poussaient des cris. Tatatin. Oh, j'aurais dû amener les paroles, mais on se refait un buff. Tatatin. Ah, c'est chaud. Zut, zut, parce que j'adore. Quand d'un coup, Gérard Lambert, derrière sa mobilette, le petit prince, machin, je sais pas quoi là. Ouais, je me rappelle plus des paroles. Faut pas faire t'as chier. T'as le droit, t'as le droit. Faut pas faire chier, Gérard Lambert. Faut pas faire chier, Gérard Lambert, quand il répare sa mobilette. C'est la morale de ma chanson, je la trouve chouette. Pas vous? Ah bon? Bah tant pis. Alors pourquoi Gérard Lambert? Ouais, c'est quelqu'un connu. Je sais pas du tout. Pourquoi? C'est un mélange de deux noms, non? Non, c'est qu'en fait, il a piqué la femme à Gérard Lanvin. Et pour se moquer un peu de Gérard Lanvin, il a fait une chanson qui s'appelait Gérard Lambert. D'accord, c'est un bâtard. Voilà. Ouais, c'est un bâtard. Pourquoi j'avoue. Pas? Alors, Renaud, si tu nous écoutes sur Indestar, t'es un bâtard. Ouais, alors ça, on évite les insultes. Ça, oui. Ça, non. Et non. Tu disais quoi sur Poutine en off? Alors, Poutine, ça aussi on évite. Moi, ouais, clairement, non, ça aussi non, on non. évite. Non, non, non, ça, non. Parce que moi, je veux bien en parler. Non, hein. Non. La politique, on évite. Non, non. C'est nope, ça direct. Ça fait partie des choses compagnie de l'antenne. Ah bon? Oui. Ici, c'est neutre. Tiens, qu'est-ce qu'il aime manger? Parce que c'est vrai qu'il y en a un qui fait de la cuisine. De la bière. Il aime les pizzas. Il aime préparer à manger. Pas, des... Quels sont ses plats préférés? De la poiscaille, il vient de Marseille. Il vient de Marseille? Mais il est pas marseillais? Non. Il est parisien, wesh. Bah attends, il chante Mistral gagnant. Bah il a le droit. Il est parisien, wesh. Je sais pas du tout. Oh l'insulte que j'aime. Alors, en plus, ah ouais, là t'as fait fort. Mistral gagnant, il l'a écrit à Los Angeles pendant qu'il a eu un coup de blues parce qu'il voyait plus sa famille. Ah bon? Ouais. En plus, je te donne la photo. Mais, dessus, mais tu sais, quand il écrit des paroles comme ça. C'est forcé, ça vient du cœur. Pas de Marseille, tu vois. Non, mais cette musique-là, là, Mistral gagnant. Je sais pas, moi, Mistral, s'il ça me fait penser à. Si bonne humeur, il aurait jamais écrit un truc comme ça. C'est. Oh, je sais pas, les gars. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. Je la connais pas par cœur. C'est exact. Ouais. Spontané. Ouais. Pour moi, Mistral, c'est inventé. C'est spontané, tu vois. Donc, si vous l'invitez à manger, vous cassez pas la tête. Vous lui faites ou des coquillettes ou du jambon puré. Ou un mégot. Putain, il est fan de moi de nous, la bière. Si tu veux y faire plaisir, si t'as un mégot de Serge Gainsbourg qui traîne, ou du quelqu'un d'autre. Ah, sur le canapé, ouais. Alors, il avait une maladie au début de sa carrière quand il était invité sur un plateau de télé et qu'il patientait en coulisses. Est-ce que vous allez deviner ce qu'il faisait? Il mangeait quelque chose. Non, il faisait quelque chose. Un ouinge. Il faisait des exercices de souplesse. Ça pouvait être de souplesse, mais d'une certaine façon. Ah, le coquin. On va dire qu'il faisait une activité très féminine. Ah, mais. Il se coiffait? Non. Il se faisait les ongles. C'est méchant. C'est maquillé. Non. C'est sexy, ça. Il téléphonait à ses copines. Non, il n'avait pas encore d'iPhone. Non, il tricotait. Il tricotait. Ouais, d'accord. C'est sexy ça. Moi je tricote, je suis pas une meuf. Non, mais d'où Renaud? Non, mais là... j'ai dit pas féminine, j'ai dit très féminine. Non, mais là, moi j'écoute plus de Renaud maintenant que je sais qu'il tricote. Hein. T'as quoi contre les gens qui tricotent? Ouais, je sais pas, c'est bizarre un peu. Ouais, je te fais des paires de chaussettes moi. Allez, vas-y, en plus elles sont toutes trouées les miennes, ça tombe bien. D'où le fait de tricoter. Par contre, encore une petite anecdote. Il a passé. Il était à Paris en mai 68, il était sur les barricades, ouais. Il s'amusait à jeter des pavés sur les CRS. Oh le vilain. Et c'est là qu'il a écrit sa première chanson. Un pavé sur un CRS? Non. Non. J'ai embrassé un flic. Non. Bien. Non. Ça s'appelait Crève Salope. JP, voilà. Ouais. Comme ça, carré. Voilà. Je croyais qu'on avait pas le droit aux insultes. Chouk là. Bah, c'est Renaud, il a le droit lui. Non, c'est pas une insulte, c'est un titre de chanson. Ouais. C'est pas la même. C'est pas la même chose. D'accord. Voilà, maintenant que vous en savez plus sur Renaud. Mais du coup, il a vraiment lancé un pavé? Bah, plusieurs à mon avis. Plusieurs, parce que mai 68, mon gars. Ouais. Vu comment c'était présenté, c'était plein. J'étais pas là, moi. Ah, moi non plus, mais. J'étais encore petit, mais non, j'ai pas. C'est vrai que les pavés, c'est utile sur le sol, quoi. Ouais. Pour les jeter, quoi. Est-ce que vraiment on lance ce sujet? À la place de lancer les pavés, oui. Révolution. À la place de lancer des pavés, on peut lancer des musiques. C'est vrai, ça peut être pas mal. Avec Noga RS, Industry Baby, qui est une reprise de Lil Nas X. qu'on va voir sur Indestar. PK Avenger, c'est comme dans Friends. J'ai été celui qui a permis d'assurer le passage entre les systèmes KL5 et GR6, voyez-vous. Mais en différent. Nous sommes sur Indestar, donc pour PK Avenger Artist avec ML Homeplay. Choucla. Donc Jiskra et les Trek. Les Chouquettes sont là. C'est ça. On est là, on est là. Toujours. Donc là, on va aller parler dans un jeu un petit peu, donc FIFA. Donc je sais qu'il y a deux joueurs ici avec Trek et Jiskra aussi un petit peu. Ouais. Et par exemple, vous prenez plus quelle équipe ? Votre équipe de cœur ou si vous avez plus... Par exemple, moi je supporte Lorient. Ça m'arrive souvent de prendre Lorient en équipe. Vous prenez plus lesquels plutôt ? Bah, moi je vais suivre mon fils, prends Paris. D'accord. Donc déjà t'as un fils ? Oui. Ouais. Intéressant. Il a quel âge ? 8. On lui fait une dédicace, il t'écoute peut-être ? Non, il est couché. C'est vrai qu'il dort. Mais peut-être qu'il écoutera le podcast. Ouais, donc tu peux la faire et tu lui montreras sur le podcast. Et montre-lui le podcast. Ouais. Bah, dédicace à mon fils Abel. Allez Paris. Comme ça, c'est fait. Tous à Paris. Castedi. Et là, ce qui serait marrant, c'est que Trek aime l'OM. Voilà. Moi, c'est Nice, moi. Nice. Direct. Ah bah, trois clubs de Ligue 1, comme ça. Voilà. Soit. Après, sur FIFA, je prends Dortmund. J'aime bien le BVB, je sais pas pourquoi, y a pas de raison. Le jaune. Dortmund, c'est plus en carrière souvent qu'on le prend. Il y a beaucoup de jeunes et c'est une équipe qui monte très très vite et où tu peux faire pas mal de bénéf. Bah, de ouf. Ouais, attends, tu parles non, de. Non, en gros, de pour expliquer, en mode carrière, c'est tu vas avoir ton club, donc par exemple, Trex parlait de Dortmund, tu vas avoir Dortmund et tu vas jouer au fil des saisons. Sauf que Dortmund est une équipe où la moyenne d'âge est plus basée autour de 24 voire 23 ans. Donc c'est une équipe extrêmement jeune. Ouais. Avec notamment actuellement le crack en buteur Erling Haaland, qui lui, tu peux le monter très très vite hyper haut. Et après, si tu fais un projet où tu veux revendre, admettons, les joueurs, tu les revends hyper cher. Le truc, c'est un bonbon. Ouais, c'est ça. Vas-y, je le garde et je l'échange. Transfert. Mais t'as des clubs comme ça en vrai qui achètent des joueurs pendant une saison et après ils les revendent au triple ou au quadruple qu'ils ont acheté. C'est business is business. C'est ça. C'est ça le foot. Ah ouais, c'est ça. C'est que ça. Ah non, moi le foot, c'est tu prends un ballon, tu tapes dedans. Ça c'est le sport du coup. Et vu que je vous ai demandé l'équipe que vous prenez plus, s'il y avait une équipe que vous ne prendriez jamais, ce serait plus quoi ? Moi perso, ce serait une équipe où je connais pas le nom. D'accord. FC Tour. Équipe Indestar. FC Tour direct. Ça tombe bien vu qu'ils sont plus dans FIFA, donc comme ça. FC Tour n'est pas dans FIFA ? Non. Ils sont trop bas en division. C'est honteux. Ils sont trop bas en division. Je prendrais pas Guingamp, Auxerre ou Auxerre, ils sont chauds, ce qui paraît. Ouais, c'est vrai, ouais. J'aurais cru que t'aurais répondu l'OM vu que tu supportes Paris. Ouais. Je pensais que t'aurais répondu l'OM. Paris, ouais. Je suis pas un pro foot après, c'est plus pour suivre. Il est pas dans ce débat là, tu vois. C'est plus pour suivre. Ils s'en bat les couilles. D'accord. Voilà, c'est cool. Moi, il y aurait plutôt deux clubs. Forcément, Lorient, donc Breton, Rennes, forcément, quel rival, et Brest. Forcément, ce serait les deux. Attends, Rennes, c'est pas Breton ? Bah si. Si. Ah ouais. Bah pourquoi c'est rival alors ? Bah Lorient. Garde territoire. Ah ouais, ouais, c'est en Bretagne. Parce que sinon ils sont tous les deux bretons. Ouais, mais justement. Ah mais moi je croyais justement ceux de Lorient, ils considéraient pas les rivalités. Comme... Ouais. Et le plus commun. Y'a pas un petit clash comme ça ? Genre les Rennois, c'est pas vraiment des Bretons. Ouf. Non, c'est les Nantais plutôt. Ah, les Nantais, où t'avais l'historique avec la Loire ancienne, tout ça qui était rattaché. Bah oui, rattaché. La Bretagne historique, il y a Nantes. Et d'ailleurs, tu veux une petite blague ? Vas-y. Il y a quelques années, donc, les habitants de Lorient, on les appelle des Lorientais. Et bah, Ils sont pas très désorientés. Il y a 4 ans, il y a un joueur qui s'appelait Lorienté qui jouait à Rennes. Sauf qu'il a été transféré à Lorient depuis. C'est logique. Ouais, mais disons que l'accueil au début a pas été fou non plus. Mais c'est comme Lorient, ils avaient un joueur qui s'appelait René, ils l'ont transféré à Rennes. Ouais, c'est René. Ouais. Il est René. Ça c'est pas mal. Ouais. Terre. C'est d'abord qu'il t'est né et ensuite comme il est René, on l'appelle René. Ouais, c'est Il est tout simplement René. Voilà. Mais on est bon sur le jeu de big up TR. Toi Trek, tu parlais de Dortmund tout à l'heure. Ouais. Mais est-ce qu'il y a d'autres clubs à l'étranger que t'aimes bien ou que le jaune. À l'étranger, bah Bayern. Hein. Ouais, Bayern. Après, il y aurait quoi ? Arsenal, j'aime bien. Arsenal, ouais, j'allais dire Arsenal, ça. Chelsea. Chelsea, évidemment. Chelsea, ouais. J'aime beaucoup Barça. Aussi. Barça, Real, voilà. Hein. Ça, pas mal en vrai. Il y en a pas mal, franchement. Ouais, les clubs un peu. Que je peux comme on peut appeler dans FIFA, donc les clubs méta. Donc les clubs méta, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les clubs qui vont être vraiment au-dessus. Au-dessus du panier. En gros, c'est ceux qui sont au-dessus des vrais clubs. On va dire, tu as Paris qui est très fort. Ah bon, mais Paris a entre guillemets pas trop méta à cause de leur défense qui n'est pas bonne. Mais il y a Mbappé. Enfin, hein. Voilà. Mais c'est pour ça que tout le monde prend l'équipe de France. Bah oui. Vu qu'en France tu as Varane en défense qui est exceptionnel dans les jeux. Je croyais qu'il était nul. Dans les jeux il est extrêmement fort. C'est dans le jeu. Ouais, voilà. D'accord. C'est dans pas les la jeux. Vraie vie, ok. Non, c'est ça. C'est dans les jeux, tu vas voir des joueurs qui en vrai sont nuls, mais qui vont être excellents. Et pourquoi? Comment ils expliquent d'ailleurs? Alors, comment ils font des stats de joueurs en fait? Honnêtement? Ouais. J'aurais pas la moindre idée, la je veux même vrai, pas je savoir. Pense, je pense que c'est de la saison, je pense. Bah. Comment le mec a fait sa saison, tout ça, après ils vont lui mettre une certaine cote dans le jeu. Ouais. En vrai, je pense que dans la logique, ça serait ça. Ça, ça joue, mais je pense qu'il y a la popularité qui joue aussi, ah pas bah, mal de joueurs. La notoriété, évidemment, ouais. Ça c'est partout. Voilà, vu que. Bon, je vais mettre un petit taquet à un joueur, mais quand tu vois Messi cette année qui est le meilleur joueur du jeu, ça a pas été le meilleur joueur la saison passée. Non, il y a eu meilleur. Et pourtant, c'est le meilleur quand même en note. Donc, je pense que la popularité prime dessus. Ah, ça, ouais, c'est un personnage après. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, en FIFA, donc on parlait pas mal, mais est-ce que vous avez un jeu que vous avez préféré dans les FIFA par exemple? Ils se ressemblent pas, genre tous à chaque année? Alors. L'Ultimate, là, le. Non, c'est pas l'Ultimate, si, c'est ça. Si, Ultimate avec Team. Avec tes cartes et oui, Ultimate ouais, Team, ça, c'est un mode de jeu. J'y joue pas mal, moi, dessus, forcément. Et toi, Jiskra, un mode ou autre chose? Non, pas vraiment. Après, non, juste comme ça. Ouais, avec ton fils, en amical. D'accord. Ouais. Bah, coup d'envoi, c'est déjà. Prends la manette. Ça peut être sympa, ouais. Ouais, c'est tout. Prends la manette, on joue et voilà. Direct. Bah, d'ailleurs. On voit qui c'est qui est fâché à la fin. Ouais. Vu que tu joues avec ton fils en règle générale, c'est qui gagne Oui. Il se débrouille très très bien. D'accord. Ah ouais. Il met pas des rousses. Mais voilà. Ah c'est ouais. Ça. Mais des fois il met des 4-0 ou des trucs comme ça. Ah ouais. À la fin, c'est moi qui arrête. Je dis c'est bon, je vais faire à manger. T'auras pas de dessert. GIS, tu sais que je vais te la ressortir celle-là. 4-0. Toi, Trek. Il y en a un qui joue plus que l'autre. Est-ce que toi, ça t'arrive de jouer avec des amis et pareil, t'as des scores assez. Ah non, moi c'est justement je suis pas dans les bons scores. Mes potes sont chauds, sa mère. Il subit, lui, il subit. Ah ouais, ils sont trop chauds mes potes, la vie. Aïe aïe aïe. Laisse tomber. Moi je suis même pas sur le terrain, tu vois. Laisse tomber, impossible. Et c'est t'as le joueur, il te fait un truc et tu vas faire, mais qu'est-ce qu'il m'a fait là? Bah ouais, mais c'est surtout les feintes et tout. Moi je connais pas les touches. Ah bah j'en suis pas. Y'a pas une touche tacle. Faut que tu joues avec le fils à GIS. Oh, ah, en vrai. Bon, après, ouais, très mauvais joueur. Après, s'il peut te donner des cours, hein, on sait jamais. Hein. Ouais, pourquoi pas. Peut-être. Moi je prends le Dortmund, hein, je m'en fous. Juste Dortmund, c'est tout ce qu'il y a à retenir. Du coup, j'ai une petite question. Alors, ça sort un peu de FIFA, mais bon, vous avez déjà joué. Enfin, on a tous joué au foot en vrai. Ouais, on est ouais bah oui. Est-ce que vous avez un petit poste de prédilection que vous préférez Les croisés, hein, tu connais. Non. Bah, c'est Alban Ivanov, ça. Pas gardien. Pas gardien. Ouais, tiens, si vous aviez un poste. Bah, moi aussi, j'ai fait 7 ans de foot. Ouais. Et du coup, j'ai fait 5 ans de gardien et 2 ans d'attaque en gros. Et j'ai fait plus du goal, donc je serais plus goal aujourd'hui. C'est ce qui t'entraîne le plus ou c'est ce que t'as fait le plus? C'est ce que j'ai fait le plus. Et c'est ce que j'aurais continué si j'aurais continué. Moi, c'est ce qui t'a le plus à faire au final entre. Bah, mec, tu serais quoi toi? Ah, moi, je serais sur le banc. Ah, tu serais remplaçant chauffeur des accusés. De banc. Ah ouais, voilà. Je serais sur le banc 90 en d'autres minutes. Mots, il ferait une Ben Arfa. Chauffeur de banc. Ah ouais, direct. Et rempli les gourdes. Moi je monte pas dans la boue. Hein. Lui, remplis les gourdes. Tu remplis les gourdes. Moi je serais plutôt attaquant. Attaquant. Soit. Et toi, Boule, on t'entend pas depuis. Non. Bah, c'est normal, t'as pas de micro. Ouais. Toi, tu serais à quel poste? Tu joues à FIFA? Non. Non. Et tu serais pas à la console d'ailleurs. T'as déjà joué au foot? Bah oui. Non. Non. Même pas. Non, pas ça, t'as pas. Mais si, on t'as a pas eu d'enfance foot, ouais. Bah si, j'ai joué au foot, mais à loisir quoi. Oui, non, mais ouais. Comme ça. Lui aussi, il a fait les croisés. Et tu t'aurais une petite préférence de poste? Ouais, peut-être gardien, ouais, j'aime bien. J'aime bien en prendre plein. Alors, là, il y aura de la concurrence entre Trek et Bull pour le poste de gardien en titulaire. Et maintenant. Qu'il arrête. Soit. Et toi, Kevin, tu... Alors, moi, il y a un poste que j'adore vu que t'es au cœur du jeu, c'est milieu offensif. Ah bah oui. C'est. Ouais. Ouais, vu que je courais pas sur le terrain, j'étais flemmard. Ah ouais? Oui. Ah, j'étais plutôt le contraire. Ah non, moi, le coach à chaque fois, mais tu vas courir, puis. Mais j'ai pas besoin. Pourquoi je courais? Et au final, c'était les attaquants qui faisaient le repli défensif pour moi. Bâtard. T'imagines? Mais j'étais même sorti à cause de ça, des fois. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, quand je jouais au foot, j'aimais bien. Alors, j'aimais bien être goal, mais j'aimais surtout être défenseur. Mmh. Parce que être goal, ça me faisait chier. J'adore arrêter les ballons, ouais. Ou des joueurs, hein, n'importe. Le problème, c'est que goal, t'es cautionné à ta petite cage, tu peux plus bouger. Ah ouais, du coup, drôle. J'étais défenseur et libéraux parce que. Ah, je cours, moi. Défenseur ou défonceur? Défonceur, c'est vrai. Parce qu'en fait, alors, vu que c'est pas la même quand même. Ça se voit pas, ça se voit encore moins en radio, mais là, je suis à peu près 80 kilos, belle bête. mais avant, j'étais vachement maigre et vachement petit. Et je jouais quand même en senior. Ça, c'était avant. Tu es toujours petit. Oui, c'est vrai, je suis pas toujours. Et je joue en senior, et du coup, bah, les seniors, bah, c'est grands, enfin, c'est des adultes plus vieux que moi. Moi, j'avais à peine 18-19 ans quand je jouais au foot. Et c'est vrai que bah, à chaque fois que je faisais des fautes, des tacles, des... ce que vous voulez, c'est pas moi qui étais en tort parce que j'étais tellement petit qu'il pensait que c'était l'autre qui m'avait poussé ou quoi que ce soit. Mais c'est lui qui tombe et qui se fait mal, je m'en fous. Alors moi, donc, tu vois... effectivement, j'avais le droit de faire un peu. Ouais. Alors moi, tu vois, ce que je faisais en tant que milieu, c'était j'allais chercher carrément les défenseurs en disant ouais, t'es nul, tu sers à rien, tout ça. Puis après, forcément, dès que t'as à peine touché, t'en rajoutes un petit peu. C'est pas gentil, ça, je t'en. Ouais, moi, mais j'insulte pas, hein, je casse juste des jambes. Ouais, mais c'est le but d'un attaquant quand même, actuellement. Ah non, un attaquant, c'est, le, c'est de marquer son. Ça dépend. Tu parles même pas au foot ou avec tes coéquipiers. Alors, si, quand même. Avec tes coéquipiers, pas avec tes adversaires. Aussi. D'ailleurs, techniquement, quand tu joues à FIFA, je sais pas, hein, si je me mets à la place de Mbappé, il joue, je sais pas, contre Messi, bah, ils doivent même pas se comprendre. En théorie, ils parlent pas la même langue. Bah, si, t'as l'anglais quand même qui est. Il y a l'anglais qui prime quand même. C'est vrai que oui, c'est pour ça. Ouais. Et puis ils vont comprendre, ouais, fuck you. Vu comment vous parlez l'anglais. Ça, c'est des gestes que tout le monde connaît. Oui, Mbappé. Ou Zidane, il a fait un geste très. Autre très compréhensible. Ah, j'adore. Mbappé parle espagnol, ce qui peut aider Messi bon, forcément. Peut-être, évidemment, ils doivent parler certaines langues en commun, mais voilà. C'est vrai qu'en règle générale, je sais pas, hein, je sais pas, je joue contre le Japon, et je vais avoir du mal. C'est compliqué. Et puis, ouais, si t'as long, ça veut dire je t'aime, c'est pas une insulte. Mais, ouais. Ah, vu que tout à l'heure tu parlais de foot en vrai, est-ce que ça vous est déjà arrivé de prendre des gamelles ou vous avez fait carrément des gestes un peu bizarres après? Ah, Emel, il a dit également croisé. Ah, les croisés, sa mère, hein. Non, non, non. Pas le pavé. Mais qui n'est jamais tombé au foot quand il était petit? Moi, je suis toujours tombé. Par contre, j'avais un bon. Moi, je sais que moi, le pire que j'ai fait, ça a été un salto arrière. Ça a été, on est venu me faucher au niveau du genou et je suis parti en arrière. Il a pas voulu. Ah ouais, j'ai jamais réussi tout seul. Non, mais le pire, ça a été. Toi, t'es mais arrivé quoi en fait? Tu comprends pas en fait? Ah ouais, on m'a appelé Naruto. Ah, parce que tu courais comme un con? Non, parce que j'ai arrêté le ballon n'importe comment. Comme un ninja. Avec les mains. Ouais. Non, avec le dos par exemple. Ah, ouais, non, vraiment. Un nouveau concept. Ouais, mais les gens s'y attendaient pas, du coup ça surprenait. C'était limite une faute en fait. Faut considérer. Hein. Pourquoi le pas. Dos ça va, c'est légal. T'as le droit. Et ouais, ça surprend. Hein. Je me rappelle le premier match que j'ai fait, j'ai marqué un but. J'ai raté le ballon de base, ça tapait dans mon tibia et ça a marqué quand même. C'est trop fier. C'est fait exprès. Ouais, c'est ça. On a perdu 3-1, mais au moins. Trop fier. Voilà, j'ai marqué un but, je suis content. C'est le seul but de la saison. Ah. Quoi, toi, tu marquais les buts comme ça? Moi, je ratais les pénaltys, chacun mauvais, ses trucs. Hein. La précision, c'était pas mon truc. Les passes, là, tu sais, c'est un peu comme tu joues à FIFA, en fait. J'ai l'impression, ouais. S'il n'y a pas, comment dire, le guide, ou que quand tu fais une passe, ça fait forcément une passe à ton joueur, moi, ma passe, ça va ailleurs, en fait. Ah non, ça, c'est juste que t'es nul. Bah c'est oui, mais chose. Des fois, je vise mon joueur, bah putain, ça tire sur le sur l'adversaire. Du coup, j'ai fait une passe. Piratage de manette. Il y a toute une mécanique après. Ouais. Ouais, bah ouais. Mais ça, c'est jeu-là. Tu joues à FIFA, c'est tout, voilà. Ouais. Continue. Puis bon, c'est jeu-là. C'est pas jouer en vrai, jouer à FIFA. Bah après, il y en a, mine de rien. La violence. Je vais finir là-dessus, mais il y a des joueurs. Donc actuellement, il y a l'e-sport qui se développe avec FIFA, donc où c'est sport. Voilà. Et souvent, les champions du monde ou même les joueurs qui se lancent en e-sport, c'est parce qu'ils ont pas pu être footballeurs professionnels. Ah, il y en a quelques-uns qui se sont lancés et qui ont eu. Dis-moi, Kevin, t'es en train de me dire que tu fais de la radio en e-sport? Waouh! Ah, celle-là, elle fait mal, celle-là. Bon, en même temps, il vient de dire que. Elle est malaisante, celle-là. Tous les champions de foot, enfin, sur la scène de e-sport, tous les champions de FIFA, c'est des sportifs ratés. Certains. Pas tous, mais il y en a qui se sont lancés. Et une fois que t'as eu les ligaments croisés, c'est foutu. Hein. Ah, c'est une branche, tu connais une branche quand tu peux pas. Après, t'es obligé de te mettre dans le peurail. Après, tu tricotes. D'ailleurs, non, mais je rigole, je me suis jamais fait les croisés. Tu parlais de foot. Heureusement, c'est pas la langue. Hein. Ouais. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de jouer à un joueur professionnel, un vrai joueur de foot? Je crois pas en vrai, honnêtement. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Non, c'est trop ça. Vu que ça peut arriver. Non, ah ouais, non, ça non, peut bah arriver. Non, ouais, je... Vu que je sais que moi j'ai joué. Bon, tu parlais du Dortmund tout à l'heure. J'ai joué Marco Reus. Ok. Et tu le remarques tout de suite, vu qu'en fait les joueurs professionnels ont une carte spéciale. Ils ont une carte qui est toute bleue, qui est notée à 99 de général. Elles sont cheatées. Ah, tu l'as pas vu en vrai, mais tu l'as vu jouer. Rien à ce que vous dites. En gros, c'est un mode dans FIFA. Voilà, c'est t'as plusieurs modes dans FIFA et t'as un mode, donc c'est Ultimate Team, où tu collectionnes des cartes de joueurs et après tu peux les mettre dans ton équipe. Sauf qu'il y a des joueurs en vrai, donc là je vais prendre l'exemple de Marco Reus, ils peuvent appeler eSport et dire oui, j'aimerais bien avoir ma carte. Sauf qu'ils leur envoient une carte à 99 de général. C'est plutôt sympa, effectivement. Ce qui fait qu'en gros, tous les attributs, ils ont tout à 99. En vitesse, en tout. Ah ouais, du coup, je peux avoir ma carte. J'ai compris. Ouais, non, coup, toi, t'es pas joueur pro. Peu, hein. Ah ouais. Ouais, mais quand j'étais en. C'est genre, t'as les codes sur Tony Hawk. Non, non, faut quand même un minimum en ligue. Et... Faut que tu sois dans le jeu déjà quand même. Ah ouais, c'est nul. Même faut un joueur du coup. 99, c'est bien. On va peut-être dépasser les 80. Tu les appelles et tu dis allô, je m'appelle Cristiano Ronaldo, j'aimerais bien avoir ma carte. Je suis son frère là. Je pense qu'il l'a déjà, à mon avis. Ouais, bah oui, bah lui c'est. Ouais, mais avec la carte 99. Ouais, mais justement, il doit. Mais il doit avoir 1000, lui. Tu lui paieras son compte, je sais pas. Lui, à mon avis, il appelle, il dit je suis Cristiano. Ah, tu. D'accord, on te donne ça, y'a aucun problème. Bah oui. Okay. Bon, par contre, moi, si je les appelle, je vais avoir 1 sur la carte au lieu de 99. C'est qui Cristiano seulement? Mais quoi? Non, rien, je rigole. Je il a fait une bonne vanne. Ouais. Non, si tu veux, moi aussi, hein, tu peux me demander quelque chose et je te le donne tout de suite. Là. J'allais dire, on peut donner de la musique aussi. Ouais, et pas oh. N'importe laquelle en plus. Lindsey Sterling, Masquerade. Ah bah oui, je te le donne sans problème. Les. Pika. PK. Pika. Pika. Bon, laisse tomber Pikachu, je vais le faire. PK Avenger sur Indestar, de 21h à 23h. Pika. Oh. Sur, Choucler. Ouais, sur Indestar, donc pour. Non, c'est Attaque Éclair. Ouais, attaque tonnerre même. Ouais, mais Choucla, c'est attaque éclair, c'est ce que tu veux. C'est une nouvelle attaque. Ça te met à l'amende. Il y avait les Schtroumpfs maintenant. 37-4, baby. Qu'est-ce qui va avec PK Avenger, Teddy? Je pense que tu connais à force. Oui, j'aurais bien dit quiz, hein. Ah, allez, forcément. Petit quiz. Petit quiz. À chaque fin d'émission de PK Avenger, vous le savez, il y a un petit quiz. 5 questions, pas toujours 3 propositions de réponse. J'ai changé, tu vois. Ah, t'as changé. J'ai changé. Pas toujours. J'ai évolué. Ouais. Ouais, vu qu'à la fin, pour expliquer. Il est habitué à nous mettre toujours, pas toujours les mêmes propositions. Ouais. Il nous en met pas toujours trois. Qu'est-ce qu'il fait très... Voilà, c'est bon, j'avais plus le casque. Ah, t'avais plus le casque. Tu sais qu'on est en direct là. Ouais, c'est clair là. Ouais. Le gars il fait son truc. Alors tu sais, moi je mets. C'est les aléas du direct. Ça va, ouais. C'est les aléas. Tu sais que je mets autant de poivre dans ma carbo. Ouais. Mais quel bail. As-tu retrouvé ton casque très. Bon, chouc là. Allez, on est motivé. Donc, il y a Océane qui va nous rejoindre. Nous recevoir. Salut Océane. Salut tout le monde. Tu viens participer au quiz? Ouais, c'est parce ça. Que tu veux tricher. Ouais, comme d'habitude. Ah, voilà. Donc oui, ML, Jiskra, Trek, Bull. Petit mais quiz des familles sur ML, sur ce qu'il aime entre guillemets. Enfin, pas forcément, ça dépend. Ouais, genre par exemple, il m'a dit qu'il aime le rap, tu vois. Donc il y a une question sur Georges Brassens. Vous êtes dead, les gars. C'est ça. Vous êtes morts, les gars. Il m'a dit qu'il était menuisier, donc il y a une question sur la menuiserie. Vous êtes morts, les gars. Bien sûr. Alors fais gaffe, vu que ça se voit que tu connais pas Teddy pour les quiz. Ouais, c'est clair. Je suis mort, les gars. On va commencer par ça, d'ailleurs. On va commencer par la menuiserie, lol. Allez. Par un géant, on va dire, des meubles en bois. Ikea. Exact. D'ailleurs, ils sont géniaux pour meubler. T'es dans la merde. Que signifie Ikea? Oh lolo. Allez hop. Ça commence je super bien. Alors attention, j'ai 3 propositions quand même. C'est peut-être plus simple. A, B ou C. Je dis pas lesquels. Je plaisante. Est-ce que c'est effectivement ça c'est un acronyme, hein, donc c'est composé non pas forcément. Si enfin, si c'est un acronyme. Bah pour la première proposition oui. Ah. Donc acronyme. Donc est-ce que c'est le prénom et le nom du fondateur, donc IK, plus le nom de sa ferme natale et de son et le nom de son village natal. D'accord. EA. Est-ce que pour la deuxième proposition donc la B, est-ce que c'est son nom, son prénom, plus le nom de son premier meuble qu'il a créé, plus le nom du deuxième meuble qu'il a créé? Ou le petit C, est-ce que c'est le nom de son chien? Ah. Ah, j'aime bien la C, moi. J'aime bien, moi, la C, là. Allez, cherchez, hein, parce que c'est... Voilà, donc A, B ou C, bonne chance, j'ai envie de dire. Parce que oui, je suis salaud là-dessus. C'est quoi les résultats? Bah, je sais pas, alors... Jiskra, il a mis B. Nous avons du A pour Boule, B pour Océane. Trek, il est en train de chercher. C pour Daniel. Daniel, il tente le chien. Ah, ça, oh, j'étais les la même. Tente le chien. Nous avons du A ça pour ML, ouais. A pour Thierry. Trek, il a mis B. Ouais. B. Ouais, ah, bah, ouais, le nom du premier et du deuxième meuble. Ah non, c'était pas ça. Ah, okay. C'était effectivement les initiales. Putain, j'ai oublié d'écrire en plus. Ah, 1-0 pour ML. Les initiales du fondateur, plus le nom de sa ferme natale, plus le nom de son village. Il s'appelle Inbrak Krasmadar. Bon, je sais plus comment on dit. Bon, enfin, c'était tellement Krav Maga. C'était tellement fun le nom du chien que je me suis laissé. Mais oui, c'est j'adorerais. Ah, j'ai hésité avec la C. Non, d'un chien. Alors du coup, il y a qui a mis que c'était Ikea. Nous avons Boule qui a mis que c'était Ikea. Nous avons qui d'autre par ici? Personne. Deux. Trek qui a mis non. ML, je crois. ML, ouais. Allez, vas-y, je te mets un point. Et moi, j'ai mis moi. Thierry, je lui mets un point, évidemment. Toi, t'as changé, toi. Attends, laisse-moi effacer deux secondes là. Non, je n'ai pas. Maintenant, changé. On va parler menuiserie la vraie, tu vois, pas la IKEA. La vraie d'accord. Avec un outil de menuisier. Ça fait mal. La scie à dos. Oh, je sais même pas c'est quoi. C'est la scie. Oui, il a menuisier, le gars. Genre, elle est pas encore adulte, quoi. Genre. C'est. Allez, ben. Oh, Pas mal. Terre à la pole. Ou c'est la variante de la scie à ventre. C'est la scie à dos, mais à dos avec un espace entre le A et dos. Donc le dos, vraiment ton dos à toi. La scie à ré. Voilà, merci. La scie de dos. D'après vous, la scie de profil, la scie à quoi elle sert cette scie? Elle sert à faire quelque chose? C'est pour travailler quand tu fais la sieste, t'es couché sur le bois. Vous doutez bien, ça sert à couper du bois. Oui. Mais quel genre? La scie à dos. Quel genre de bois? Quel outil? Quel morceau de bois? Voilà. Parce que ça a une utilité particulière, la scie à dos. Il n'y a pas de proposition. Non, allez vous faire. Il n'y a pas de proposition. En fait, choisis. Non, mais là, c'est dur, là. Tu choisis ta réponse. De toute façon, cette menuisier, gars, je comptais sur toi. Mais wesh, mais la scie à dos. Bah ouais. Bah ouais, mais nous, on monte des meubles IKEA, ouais. Tu sais que j'ai tapé les outils. Les partenaires, nous. Non, mais attendez. Pour faire cette recherche, j'ai tapé quand même les outils de menuisier les plus courants. Ah et la scie à dos, c'était dans les 10 premiers, quoi. Ah, j'aurais dû réviser mon bac. Non, mais si ça se trouve, il connaît, tu vois, il l'utilise, mais c'est. J'ai marqué un mot, moi, De toute façon, c'est une scie, donc qu'est-ce que ça coupe déjà? Ouais. Du bois. Parce que là, vous aurez bon. Parce que là, normal. Genre, moi, ce que je veux, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle coupe en fait? Enfin, pas du bois, mais qu'est-ce qu'elle coupe comme morceau de bois? Non. Ah, c'est comme morceau de bois. L'écorce. De l'écorce? Ah, pas mal, j'aime bien l'idée. Océane, une petite idée? C'est pas con ça, B-O-U-L. Ah, mais lui, il est cultivé. C'est mon gars, c'est bon ça, c'est mon gars. Il a dit un truc, quoi. Trek, t'as une idée? Ouais, ça... Il a dit les croisés, sa mère. Je sais pas rien. Kevin, t'as quoi? Moi, je dirais les branches de sapin quand t'es au niveau des arbres. Tu sais que t'as besoin d'en couper deux en même temps. C'est en théorie, quand ils utilisent une scie, les menuisiers, c'est qu'ils savent déjà du bois travaillé. Et ouais, c'est pour ça, moi, j'ai marqué autre chose. Bah, parce que non. Thierry? Je me demandais si c'était pour creuser l'intérieur de quelque chose. Je sais pas, on a un morceau de bois, on veut en faire une barque, par exemple, et il faut creuser l'intérieur comme un ciseau à bois. Comme un ciseau à bois. Ça, c'est une gouge, ça. Ouais, pourquoi à dos, alors? Ça, c'est une gouge. Moi, c'est parce que la scie doit être bombée et elle râpe à l'intérieur. Voilà. C'est quoi ce truc? Alors, je me suis trompé dans l'orthographe. Rainure? Rainurer. Pour rainurer quelque chose. Pour rainurer un bout de bois. C'est quoi rainurer un bout de bois? Rainurer, c'est quand tu fais une rainure. Je t'assure que c'est pas ça, du coup. Parce que voilà, je suis pas menuisier. C'est quoi les bails maintenant? Daniel? Vraiment menuiserie ou scierie? C'est. Non, c'est des menuisiers qui utilisent. C'est pas la guerre. Siri, c'est sur le portable. Ou dans The Witcher. J'avais pensé la lame de scie là, pour la Siri du haut fer. Non. C'est pas ça. Non. Coucher, Daniel. Giscra, t'as une idée? Giscra. Pas du tout. Ouais, mais je m'en doute. Pas du tout, elle est dure, hein. Océane, toujours pas. Trek non plus. Non. Abandon par chaos. Personne l'aura. C'est pour couper des baguettes. Des baguettes en bois. Mais. Et pas des baguettes de pain, hein. Vous savez, les baguettes qui se mettent en bas des portes, ou ce genre de trucs. Mais non. Je crois qu'il y a la scie au coupe en biais ou c'est droit. Pas la scie, ou... Non. Sa particularité. C'est un tutoriel. Hein. Sa particularité, c'est que c'est sur un support en fait. Que... Alors je saurais pas trop vous dire comment. Ouais, c'est ça, c'est une scie anglaise. C'est ce qu'on appelle. C'est une boîte à coupe. Le gars, oui, non mais. Une boîte à coupe. C'est une boîte à coupe. La vérité, c'est une boîte à coupe. C'est vrai. C'est le coupe-coupe là. C'est vrai que la scie de la boîte à onglet a un nom particulier, je le connaissais pas. Ah, c'est la scie à dos. C'est con, mais c'est bien tenté du coup. C'est vous très quand même. Con. Mais je m'en doutais que tu le connaissais quand même, Emel. Normalement, dans une boîte à coupe, on prend une sterling. Une scie sterling. Non, moi c'est l'in sterling. Et je la prends aussi. Écoutez, c'est une masquerade. Je parle même plus avec vous. À chaque fois qu'on vient chez Indestar, on apprend des choses. C'est pour ça. On en a parlé tout à l'heure de Georges Brassens. Ouais. On a parlé peut-être de là, sa date de naissance. Pas les points, là. Ah bah non, personne. Bah non, personne. Georges Brassens, et il y a Georges le Brasseur. Je compte de quand vous avez des points. C'est ça. De serrer la ronde. Ok. En quelle année est né Georges Brassens? Et il l'a dit tout à l'heure. De base, j'avais des propositions, mais comme effectivement j'ai donné un peu trop d'indices. Donne-nous des propositions. Même plus. Ben non. Non, moi je trouve qu'il est pas obligé. Vous savez qu'il est pas centenaire déjà. Mais il est mort. Oui, je pense. Il est mort assez jeune. Ah merde. Ah bon? Oui. Malheureusement, pas à son âme. À 82 ans. Non. Non, loin de ça. Ah. D'accord. C'est bon. Alors, vous avez tous vous une avez date tous ouais. Une année ouais. J'ai marqué une date. Nous avons 23 pour Daniel. Okay. 1923, oui. Évidemment. Vous savez quoi? Je donnerai un point à celui qui est le plus proche si vous trouvez pas la date. Moi, j'ai marqué réponse A. Comme ça, au moins, c'est carré. Mais il est sérieux. Alors, j'ai mis. Attention. Thierry. Attends, juste une chose. J'ai besoin d'une précision. Oui. Oui, je parle bien de Georges Brassens. Ouais, Georges Brassens, tu as dit qu'il n'était pas centenaire, ouais. Mais tu prends en compte l'année de naissance ou la date précise de naissance? 99. Non, parce que ça change tout, ça change ma réponse. Mais ils ont raison, GIS et BOUL. Techniquement. Il est né, quoi. Ah, mais si, attends, il est centenaire là. Si. De toute façon, il est mort avant d'être centenaire. Oui. Mais oui, je suis. Alors, con, ne oui, réponds oui. pas à sa question. Oui, c'est vrai. Mais oui, de toute façon, il a déjà répondu. Mais non, bah non, c'est ça. J'hésitais entre d'accord. les deux. D'accord. C'est ça. C'est, okay. C'est presque ça, Daniel. 26 pour ML, 21 pour Thierry, 21 pour. Pourquoi t'es il est né en 21 et il est mort en 80. Il avait 60 ans. 26. Océane, c'est quoi? Il a fait tellement de choses qu'on a l'impression qu'il était vieux, mais il est mort très jeune. 31. 21. Comment tu sais ça? Parce que t'as regardé. Prends le micro, Océane. 21 pour Trek. Pour expliquer autrement. Et Giscra? Ouais, 26, pareil. 26? Ouais. Ah non, c'était 21. Hein. Ouais. Ouh, ah, non, chou. Ouf. Ah, pourquoi j'ai copié sur. Il est mort en 80 ou 60 ans. BOUL, non, normalement. Hein. Normalement, je toi, t'as dû copier à l'école, toi. Je vais donner 2 points à Thierry parce qu'il a trouvé la date de mort aussi. Ah ouais, non, mais c'est. J'avoue, ça vaut le coup. Ça boycotte, ça boycotte. Ça, je l'aurais pas trouvé, par contre. Les artistes qui marquent leur époque en faisant plein de choses, on a l'impression qu'ils ont vécu super longtemps et en fait. Ah ouais, c'est vrai, c'est la magie de la musique. Mais vous savez, comme les Beatles, en fait, années 60-70, en fait, c'est pas très long, une dizaine d'années. On a l'impression que ça a duré, mais non. Le temps qu'ils ont fait des choses, ils ont cartonné, quoi, donc ça marque. Yellow. C'est ça. Maintenant, je vais vous citer 3 groupes. On va trouver lequel de ces, dans ces 3 groupes qui ont commencé à bosser dans leur garage. C'est pour toi, Emmanuel. Ok. T'as commencé dans un garage. Dis-toi qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de musiciens qui commencent dans leur garage. Dans leur garage. Exactement. L'équipe de Starter. Dans les caves aussi. Ouais. Est-ce que. Oh, c'est bon ça. Ouais. Ah, c'est bon. Effectivement, Starter aussi, il y a beaucoup de garages dans Starter. Ouais, et dans Starter, on a un garage géant où qu'on a beaucoup de choses. Choucla. Ils mettent tout dedans. Ouais. Même une voiture de merde. La dernière fois, je sais plus ce que c'est. Bon. Ouais, bref. Est-ce que c'est le groupe Green Day qui a commencé dans le garage? Waouh. Est-ce que c'est le groupe Clean Bandit, un peu plus récent? Ou est-ce que c'est le groupe Worlds Apart? Wow. Ah, ça c'était l'époque des boys bands, des Worlds Apart. Ouais, c'est un boys band. À l'époque, on mettait des gars ensemble et on faisait un groupe. Et des collants, et des collants. Musclés et tout là. Mm. Du coup, attends, c'était. Alors, Green Day, Clean Bandit ou Worlds Apart? A, B ou C, je comprendrais. Hein. Vous trompez pas dans l'ordre. Alors, nous avons du Green Day, Green Day, Green Day, Green Day, Green Day, Green Day. Ah, en fait, y'a que Giscra qui a pas Green Day. Y a que Giscra qui a voulu. Bien tenté, tu vois, j'adore Clean Bandit, mais du coup c'est Green Day. Oui. Allez, moins 1 pour Giscra. Non. Vu que tout le monde a la réponse, ça fait moins 1 pour Giscra. Il va faire ce qu'on appelle une Jolane chez nous. Oui, ouais. Oui, donc pour. Bah écoute, il a un point pour le moment, donc il peut pas faire une Jolane. Oui, tu vois. Une Jolane, pour vous expliquer, c'est quand on fait un quiz et qu'il y a 0 points. Ah ouais. Mais qu'on a quelqu'un qui arrête pas de. Il avait l'habitude de perdre souvent. Voilà. Perdre avec 0 points. Du coup, il a donné son nom à la défaite. Après, il est pas content, il casse le matériel. GIS, t'as un gage. Sous le baby. Et il a un point, hein. Ouais. Ah oui, tireur à gage. Il a un point, ouais, déjà, ouais. Voilà, donc c'est bon. Maintenant, on va parler de nouilles parce que t'aimes bien la bouffe. Ah, oh, j'adore la bouffe. Ouais, très très chaud. Très, ouais, très chaud. On a vu que Chrono aimait les coquillettes aussi. Effectivement, ah, donc si t'es comme Renaud, t'aimes les nouilles et moi aussi, hein, je suis un fan inconditionnel. Et les mégots, aussi. J'adore, ouais, les mégots. Mon frère. Il mélangeait les deux, il se faisait une carbo-mégot. Voilà. Oh, mais t'es dégueulasse, quoi. T'es dit, t'as des idées, des fois, je me ça demande où tu vas les fumées. Chercher. Carbo-mégot. Pourquoi pas? Ça fait des nouilles fumées, il a dit. Pourquoi pas, Thierry? C'est beau, c'est beau. D'après vous, quelle sorte de nouilles est le plus vendue en France? Parce que évidemment, il y a plusieurs sortes de nouilles. Les yum yum. Je vais vous en citer 3 quand même, je suis sympa. Allez, moi j'ai fait une copie. Est-ce que c'est les fusillis? Ok. Est-ce que c'est les macaronis? Ok. Ou est-ce que c'est les spaghetti à l'italienne? C'est facile. Ah, c'est facile. Ah, ouais. Ça dépend, il y a un piège, je suis censé. Bien sûr, ouais, qu'il y a un piège. Ouais. Non, ouais, déjà, moi, t'oublies spaghetti. Mais après, il peut y avoir, bah, un piège sur le piège. Bah alors, on va polémiquer. Piège pour moi. On va polémiquer. Vas-y, tu sais quoi? Pourquoi spaghetti faut oublier, à ton avis? Parce que pour moi, c'est déjà le plus connu. Moi, j'ai déjà marqué. Et ici, là, le piège, il serait là. Et moi, je suis d'accord avec lui, alors. Ok, là, ok, moi. Spaghetti. Fusilli, tortilli ou spaghetti? Moi, j'aurais dit panzani. Donc, nous avons les fusillis pour Boule. Fusillis pour Océane. Trek, il a mis quoi, fusillis? D'accord, il a toutes les réponses sur ça. Ouais, c'est ça. T'es sûr de pas te tromper? Nous avons les spaghettis pour Giscra, nous avons les spaghettis pour Daniel. Nous avons. C'est quoi l'AB? C'est la, je sais plus ce que c'est, mais si c'est la c'est mal finir, ouais, c'est, ouais, c'est mal foutu. T'es mal barré. Ça va mal finir si c'est les spaghettis. Là, c'est les spaghettis et ML. Spaghettis aussi. C'est triste, hein. C'est pas les spaghettis. Non, voilà. Non, c'est pas les spaghettis. C'est effectivement les fusils. Voilà, hey. Ah ouais, voilà. Tu vas en cause, oh là Mel. Là. Allez, Mel, viens en cause maintenant. Bah, vas-y, en cause. Alors, fusils. Alors, tu vois, c'est quoi ces pattes? Elles sont en forme alors, de tortillon. Alors les fusils, oui, voilà, fusils, c'est celles qui font des petites spirales comme ça. Mais d'où ça s'est vendu plus que les spaghettis? Eh ben c'est vendu, 19% de nouilles vendues en France, c'est ça. Les spaghettis c'est 15%. Mais pourquoi tu me sors un pourcentage comme ça? Parce que j'adore les pourcentages. Les spaghettis c'est 15%, donc c'est deuxième hein, quand même. Et les macaronis c'était 5%. Ah ouais, ouais. Ouais. 43%. Je voudrais préciser quelque chose au niveau des vocabulaires. Tu emploies le mot nouille, pourquoi pas, parce qu'aux enfants on parle de nouilles. Mais sache que les nouilles, c'est aussi une variété de pâtes. Les yom-yom. Donc, moi, j'aurais dit quelle variété de pâtes. Oh, voilà. Ah, du coup, on a tous bon. Grosse bah, non, les scrocs, non. Bah. Cherche pas, Emel, j'ai déjà essayé. Non, mais j'aurais dit les nouilles sautées chinoises, hein, c'est tout. Vous aurez perdu quand même. Ah bah là, tu sais pas comment ça se prononce, mon pote. Des ramen. Alors, j'en sais rien. Bah ouais, des ramen. Déjà, t'as répondu spaghetti, alors c'est bon. Ouais, voilà, déjà. Non, mais pour moi, vous êtes tous des mythos. Pour moi, alors, c'est les spaghettis. Mais aussi, mais justement. Moi aussi, je pense. Alors, ça, c'est ce qui se vend le plus. Donc, c'est plus ou moins réel dans les ventes. Les spaghettis ? Non, les fusils. Par contre, dans l'esprit des Français, les nouilles qui consomment le plus, dans leur tête, c'est les spaghettis. Eh ouais. Bah, moi, je les consomme pas. C'est pour ça que c'est pas vrai. Mais bon, c'est ça qui est marrant. Le piège, il était simple. Vraiment. Ouais, ouais, simple, toi t'as connu sur BOUL. Je t'ai répliqué avant qu'on commence. Ça donne quoi les points alors? Est-ce que vous voulez les points? Allez, les points. Les points. Alors en dernière position, nous avons Daniel. Ouais, un point. Pour une fois, c'est moi. Oui, pour une fois, parce que souvent tu ouais, souvent. Pas mal, hein. Après, Kevin et Jiskra se jouent des coudes hein, pour être avant-dernier. Oui. Bras de fer. Ah non, ML aussi, t'as deux points, pardon. J'avais oublié. Yes, bras de fer à 3. Ah, yeah. Ouais, c'est. Voilà. Grosse nouille. Là, la Après, masse. Grosse égalité à 3 encore. Bah, à 3 aussi. 3 à 3. Sur la montre. Boule et Océane, le trio là-bas, en le fond du studio. Ouais, c'est ça. Ils ont tous copié les uns sur les autres. Et nous avons Thierry avec sa date de fin. Enfin, avec la mort de Brassens. Ce que j'ai donné en plus, tu m'as donné. Un point en plus. Je t'ai vraiment. C'est pour ça. C'est sympa. Donc, du coup, tu gagnes. T'as gagné. C'est pas juste pour les autres, mais c'est ça. Avec combien de points t'as dit? 4. 4 points, ok. En fait, okay, si okay. Je donne le lieu de naissance à Brassens, est-ce que j'ai un point en plus? Il est, vu que je le sais pas, je peux pas le savoir. À 7. C'est à 7. Il est à 7. Ouais. C'est à 7 ouais. Il est à 7. Ouais. Non, il est à 8. À 7. Je m'arrête là. De 7 à 8, ouais. Sur l'autoroute. Donc, oui, Thierry, t'as tué le game. T'as gagné. T'as gagné. Donc, t'as le droit de faire un live avec. Non, j'ai. Allez. Non. Tu es prêt pour les bacs? J'ai droit de les filmer, de les prendre en photo. Évidemment. C'est ce que j'ai publié sur tous les réseaux. Avec des commentaires, bien sûr. Bien sûr. Pendant que ML et Trek se préparent à faire un petit live, parce que évidemment. Et merci, maître. D'ailleurs, Trek, je t'invite à prendre le micro et le casque de Jiskra. Pour t'installer là-bas, à côté de ML. ML, je t'invite à te lever et te préparer. Allez. On se lève et marche. En attendant, tu rappelles l'équipe dédicace à tout le monde. Dédicace à tout le monde qui écoute. Dédicace à tout le monde. Tout le monde. Petite dédicace sympa. Voilà, c'est fait. Et on profite pour aller également sur indestar.fr où il y a le lien du Twitch. Et évidemment, ce live sera mis sur Twitch. Donc, c'est l'icône violette où il faut appuyer dessus et on sera directement sur le lien. Et si jamais vous le ratez, ça peut arriver. Voilà. Je sais pas, vous êtes endormi Ça tombe bien vu que sur indestar.fr, on a tout prévu. Il y a le lien pour les podcasts aussi. Voilà. Comme ça, on peut tout retrouver. Dédicace à Mamat. Dédicace à NC. Dédicace à Big Z. J'ai cru qu'il y avait dédicace à maman. Ouais, dédicace. Dédicace à tout le monde, les gars. Et oui. Et tous ceux qu'on oublie, c'est parce qu'on n'a pas le temps. Parce qu'eux, ils nous regardent là. On commence à faire des dédicaces, ils nous regardent, ils vont dire ouais, mais ouais, c'est bon. Alors, Daniel, est-ce qu'on les voit? Et merci, ils sont en live. Choucla. Terre. Ils sont en live. Ouais. T'as dit quoi? Alors, gang, vous êtes prêts, les gars? Vous êtes chaud? Ouais. Ouais, ah ouais, c'est que. Ah ouais? Du coup, on a changé. C'est pas très chaud, hein. Vous êtes chaud, les gars! Oui. Alors là, t'as sans doute explosé les oreilles de ceux qui nous écoutent. C'était saturation micro, là. C'est pas très gentil. Alors, j'envoie le son dans 3, 2, 1. Fais péter. Ouais, c'est très clash, je suis en boîte. T'as qui c'est qui a eu un coup de fil sur une des stars, là? Je t'attends à la gare, gros. Oh. Allez. Oh. Ah ouais. Hey. Ça vient des petits patelins, frère. Chamboise. Ah ouais. Choukla. ML Indestar, ouais. Terre. C'est pour tous les rageux, hein. Ils font les fous dans les clips, je suis au studio en équipe, hein. Ils font les fous dans les clips, toi et moi on n'est pas quittes, hein. Garde à vue relevée, je sors à 15h. Et merci maître. Et merci maître. Et merci maître. Et merci maître. Et merci maître. Garde à vue relevée, je sors à 15h. Et merci maître. Et merci qui? Et merci maître. À la prochaine car on va s'y remettre. On va s'y remettre. 3 jours demi-père, j'suis déjà à Utrecht. T'en fumais nos rêves donc on fait pas de trêve. T'as fait pour 1003, c'est la sécurité. Flemmard, faudra se faire à l'idée. Lève tard comme une formalité. Réalité, fatalité. Connard, je fais des hits. J'allume le feu du briquet. Johnny Hallyday. Tu fais vomir comme le sky de Lidl. Dieu merci. Si mes amis sont fidèles, ou tête de Vittel. Ça va pas. Et Claire. Garde à vue relevée, je sors à 15h. Et merci maître. Et merci maître. Et merci maître. Et merci maître. Et merci maître. Chouclet. Garde à vue relevée, je sors à 15h. Et merci maître. Et merci maître. À la prochaine car on va s'y remettre. Hein. Trek, ML. J'sais que ça t'énerve. Rien qu'on génère. Sois pas gêné. ML, c'est que ça t'énerve. Rien qu'on génère, sois pas gêné. La loi de l'attraction est mystère. Et si tu comprends, tu fais le tour de ton hémisphère. Parlez, parlez si tu oses faire. Si tu captes, hop, dans le fond, il faut se taire. Le prochain qui l'ouvre, hein, n'aura pas sa place dans le Louvre. Hein. Trop avoué, ses qualités prouve que tu es au fond du gouffre. Hein. Frérot, je suis pépère, j'arrive d'éther. C'est la première pour la brevard. Bannière, me place sur la bannière, peu d'adversaires, Charles Terre, et j'en fais de la poussière, ouais. Personne ne nous manipule, hein. Ta tête dans nos réticules, hein. Tu joues les gros bras, mais gros redescends. Tu passes pour un ridicule. Tu connais pas nos matricules. Avec ML dans le véhicule, le destin agit, nos talents brûlent. Devant le mic, c'est la canicule. Crépuscule, un passe de place et tout bascule. Et vite nos tasses à majuscule. De hey, l'intensité. Relevé, je sors à 15h. Et merci maître. Merci maître. Et merci maître. Et merci maître. Et merci maître. Chouclet. Garde à vue relevé, je sors à 15h. Et merci maître. Merci qui? Et merci maître. À la prochaine car on va s'y remettre, hein. Trek, ML. J'sais que ça t'énerve. Rien qu'on génère. Sois pas gêné. Trek, ML. J'sais que ça t'énerve. Rien qu'on génère. Sois pas gêné. Gêné. Gêné. Okay. Ah, okay, yo, okay, yo, okay. Yo, yo, yo. Putain, on a couillé un peu, hein. Ouais, mais c'est pas, c'est pas grave. Ouais, mais c'est les joies du live, ça. C'est normal, ça. Là, c'est quoi? On encore plus lourd. Ouais, je te propose qu'on en refasse un deuxième. Ouais, allez. Comme ça, allez, un petit coup. Et c'est de l'eau, hein, qui monte. Ouais, je précise quand même. Pour ceux qui sont sur Twitch. Ouais, ouais, ouais. C'est de l'eau normale, on est d'accord. Attends, attends, attends. Ouais, ouais, ouais. Balance ça. T'es prêt? On est prêt. Allez, vas-y, un petit deuxième live. Allez, c'est parti. Deuxième partie. West Side City envoie ses sales, j't'ai dit. On fait tourner les keufs en rond un peu comme satellite. Tupac Biggie, 37-4 baby. Tu vas finir au sas, c'est dit qu'à force de voir des lits pathétiques, pas terrible. C'est pas écrire, achète un Blackberry casse, t'es dit. A tous mes lascars qui sont pas aigris, crash ou puis crash, aussi crash. Les basses et les blazes et puis place terrible. Tu mets des Rolex dans tes clips, auto t'es pas crédible. J'te mets des volets sur les couplets, t'es malade technique. Nous on sait pas t'es qui, nous on tabasse les kits. On t'a pas vu dans les embrouilles ni dans les salles équipes. Eh, le thème c'est qu'il n'y a pas de thème. Ramasse tes dents par terre. Retourne dans les jupons de ta mère et va voir son lactel. À ce qui paraît c'est bordel. Chaud comme Evan Barksdale. Eh, eh, eh. Passe me prendre sur Crenshaw. Westside en bois. J'suis sur les bords de Loire. Westside, ML on play c'est FO. J'ai la guitare de Kurt Co. French Kiss, je suis que de passage. Passe me prendre sur Crenshaw. Westside en bois. J'suis sur les bords de Loire. Westside, Westside. Eh. TR, on leur dit ou pas? Ya, ya, en bois. Hey yo, c'est Trek, t'as pas le level. J'suis un nouveau stade de l'éveil. Ça m'énerve, je. Dans le rap, j'ai mon crush devant le mic, un J de cush. Je t'ai les deux pieds devant le mur, t'attends quoi pour signer le coche, hein? Je veux avoir la Porsche avec ton contrat, tu peux me torcher. Une torche et un stylo pour écrire tous mes torchons. Attention, quelques paroles à votre attention. L'attention, faire du bif pour la rédemption. Y'a des hauts, y'a des bas, y'a des bas dans le bas. Y'a mes gars dans le square, fliqués depuis le départ. Moi je vous le dis, je vais réussir. Ouais, c'est sûr, un jour que ça sent mieux que ça joue le rap et ouais ça j'en suis sûr. Je rappe pas pour les gens veulent entendre, j'ai ma façon de composer. Tu vrais toujours, ça on sait tout ce que c'est qu'un composé. Une substance vide, un mal-être ivre, seul dans mon nid, je veux juste vivre. Ah. Ah. Passe-moi pour quel show, Westside. En bois, j'suis sur les bords de Loire, Westside. ML en play, c'est défaut, j'ai la guitare de Kurt Co. French Key, je suis que de passage. Passe-moi prendre sur Crenshaw, Westside. En bois, j'suis sur les bords de Loire, Westside. ML en play, c'est défaut, j'ai la guitare de Kurt Co. French Keys, French Keys, French Keys, yeah. Album disponible à MIF. Ouais, ouais, ouais. Wouh, bravo! Ok. J'avais les mains prises, je pouvais pas venir. C'était compliqué, ouais. Oui. Ok, ok. Et donc ça donne ça, un live de ML et de Trek, hein, ouais. C'est ça, hein. Il fait des fuck, là. Désolé. Ouais, je préfère. On vous aime, la MIF, on vous aime. Voilà. La MIF. Big up. La MIF. J'ai compris. Ouais, la MIF. Ouais, c'est bizarre. Oh, la MIF qui regarde. Donc, oui, ML, on l'a entendu ce soir. On pourra le réécouter en podcast. On pourra le retrouver sur YouTube, sur Facebook, sur Insta, ML sur Play, sur tous les réseaux. Voilà. Trek, c'est pareil. TRK sur tous les réseaux. Pareil. Jiskra, pareil. C'est pareil, même sur Tonton Pu. Tous les réseaux. L'esprit est là. Boule. B-O-U-L. B-O-U-L. B-O-U-L. Ça va arriver. Parce que B-O-U-L. En fait, tu vois, il est dans la discrétion. Tu vois, lui, il est derrière les. Tu vois. D'accord. Tu vois. Il est à mon poste, il fait les boutons. Lui, c'est le manager. Si je comprends bien, c'est le grossiste. C'est surtout le grossiste. Mais oui, elle, c'est lui qui fait la bouffe. C'est le régisseur, on appelle ça la régie. Ah, moi, je croyais qu'il faisait du rap silencieusement. Moi. Ah, mon gars. Ah, pas que tu sais pas, tu sais pas. Mais oui, elle, il est là, mais tu sais pas qu'il est là. Tu sais pas où il est, mais il est là. Mais s'il est là, c'est qu'il est pas. Tu sais pas où il est, mais il est là. Et d'ailleurs, vas-y, balance la prod, balance la prod. Si t'es là, et ben t'es pas là parce que c'est bientôt la fin en fait. Techniquement, tu seras plus là. Nous virer de Indestar. Viens, on les vire, on prend l'émission, comme ça on continue jusqu'à 3h du mat. Ça vous dit? Votez, l'ami, votez en live, tout de suite. On rigole. Si vous êtes d'accord avec lui, appelez. Voilà, y a personne. On donnera même pas le numéro. Non, par contre, évidemment, si on veut te réécouter, on pourra écouter les podcasts sur Instagram.fr. Ok, ça c'est cool. Ça, on pourra toujours écouter. En attendant, on vous dit une bonne soirée, puis n'hésitez pas à repasser quand vous voulez. Vous êtes les bienvenus. Il y aura de la nouveauté. Il y aura de la nouveauté. Et n'oubliez pas, je te coupe. Vas-y. TRK qui sort. Ça tourne toujours le live là? Le machin là? Non, c'est plus obligé de regarder la caméra, c'est ça que tu veux. Ouais, TRK, n'oubliez pas, allez sur sa chaîne, il sort un son tous les samedis à 18h. Soyez présents. À l'heure. Tu vois? Ouais, c'est cool. Et moi, le nouveau son, le nouveau clip qui arrive début du mois prochain normalement. Et puis voilà. Pour le titre de Bad Trip. Bad Trip que vous avez entendu en début d'émission qui va arriver incessamment sous peu. Et GIS aussi qui prépare des projets qui vont arriver incessamment sous peu. D'accord. Des rappeurs à suivre, des rappeurs locaux. Des rappeurs locaux. Amboise. Pour ceux qui ne savent pas, c'est dans le 37-4, baby, Choucla, je suis Amboise. Ce soir, on espère que c'était un good trip pour vous. Ouais, on a kiffé, on a rigolé. Moi, carrément, je suis en sueur tellement. Ce que je retiens, c'est qu'il aime les chouquettes. Ah, c'est ça. Par contre, la prochaine fois, je vais revenir. Vous me taclez plus avec ça. Là, c'était cette fois-ci. Non, la prochaine fois, je te ramène des chouquettes pour de vrai. Vas-y. Tu vois, moi, j'ai gagné des chouquettes. T'as gagné quoi, toi? On va offrir des choses à tout le monde, non? C'est ça. En fait, si, on va offrir quelque chose à tout le monde. Ah. Et c'est de la musique. Oui. Parce que sur Indestar, on aime la musique. Avec Ellie Goulding, donc c'est un bootleg, donc on a pris plusieurs artistes ensemble. Et là, on les a mis avec les Daft Punk en plus. Oula, mais c'est qui a eu l'audace de faire ça? Alors, je sais pas, mais le titre. C'est There Is Something About. Qu'est-ce que ça donne? C'est toujours en tout pas cas, n'oubliez pas, la semaine prochaine, Peck Avenger, on se retrouvera pour les jeux. Vos émissions préférées, où vous le voulez, quand vous le voulez, avec les podcasts Indestar. Dispo sur indestar.fr et toutes les plateformes internet.